Higginla, Bertrand Smith, finally! That's like, here's a shot! Henderson made a wild stab towards Fell. Here's another shot, fight by the door! Donc 4 à 4, et là, l'attaque des Patriots sont quand même tirés au bout! Et le but! Incroyable! 5 à 4, Patriots! 1 minute de l'avant! Parle de plus, c'est long! Et c'est capté! Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts! Touché pour le Rouge et Or! Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Incontournable de partie, une émission qui vous parle de sport de peu partout à travers la planète, mais surtout en Mauricie. Bon matin Marc-Antoine. Bon matin, ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, très bien. Très bien. Malheureusement, Philippe Doucet, notre chroniqueur habituel, ne peut pas être avec nous ce matin. Du moins, on va peut-être essayer de faire un saut, là, mais le travail, autre travail, le retient aujourd'hui. Donc, c'est dommage parce que c'est notre toute dernière émission et pas seulement pour la saison, mais... À vie, c'est la fin ce matin de l'inconduite de partie. Après trois années de dur labeur, de plaisir et de se donner à vous informer en espérant que vous aimiez ça, c'est la fin aujourd'hui, donc je tire ma référence. La raison, eh bien, c'est la fin de mes études. Ce matin, là, vers midi, 1h cet après-midi, ça devrait se terminer. La fin de mon stage assez fou et aux zones campus ici même. Et la fin de mon séjour universitaire ici à l'UQTR. Donc, c'est la fin de l'émission de radio, mais est-ce que tu vas continuer ton site Internet? Oui, le site Internet, je vais essayer de continuer ça, envoyer des petits textes de temps en temps. Mais on s'entend que la locomotive du site... C'était la radio, c'était ça. Donc... Quittez-vous pas, je pleurerai pas en ondes, ça ferait de la très mauvaise radio. Alors, il va ce matin à l'émission, honnêtement, là, très, très, très chargé comme matinée. On vous parle de ça. Tout d'abord, on va parler de Ligue nationale de hockey, bien sûr, l'élimination du Canadien de Montréal. La deuxième ronde qui a commencé hier du côté de Vancouver. On parle de UFC, les combats ultimes, le gros gala fin de semaine du côté de Toronto. On va en discuter. On parle avec Jonathan Roberge de son bilan de fin de saison là, du côté des Cataractes de Shawinigan. Oui. Ce qu'il en retient, ce qu'il faut changer, etc. On parle de RDS2. Oui. Des rumeurs, de fortes rumeurs, comme quoi RDS demanderait une licence pour avoir un deuxième poste de télévision qui serait RDS2. On en discute en deuxième heure d'émission. Avec JP Renier, on va parler du repêchage de la NFL là, qui était hier du côté de New York. Cam Newton qui est sorti premier. On va aussi parler du cas de Danny Watkins, le Canadien qui était repêché en première ronde au 23e rang. Mais tout d'abord, là, on va parler, on se lance dans les nouvelles là, un petit peu là, à travers tout ce qui se passe parce que c'est une grosse fin de semaine du côté sportif. Donc, parlons tout d'abord de course automobile. Formule 1 relâche encore. Ça change pas, c'est-à-dire qu'on a eu deux grands prix d'affilée là, dernièrement. Donc, pour remédier à ça, on a deux semaines sans grand prix. Par contre, la nouvelle qui est sortie là, du côté des fils de presse, c'est que le grand prix de Turquie serait menacé. Ouais. On parlerait de la fin de l'existence de ce grand prix là, du côté du pays du Moyen-Orient. On parle de dettes, beaucoup de dettes là, du côté des organisateurs. Mais c'est un peu le gouvernement aussi qui organise ça. Puis là, on dit que on paye 13 millions à Bernie Ecclestone pour organiser la course de Formule 1. Bernie demande 26 millions, donc il veut doubler ça. Mais je sais pas si tu as vu le Grand Prix de Turquie les dernières années, mais il y a autant de monde qu'à un match des estacades Pee-Wee Bay. Donc, il n'y a pas grand monde, mis à part quelques parents et quelques fanatiques. Alors, si on fait le compte, pas besoin d'être génial en mathématiques pour faire, ben écoute, s'il n'y a pas de revenus au guichet, à un moment donné, le gouvernement va arrêter de subventionner ça. Je veux dire, à Montréal, on subventionne énormément le Grand Prix, mais par contre, il y a du monde dans les estrades, tandis qu'en Turquie, c'est pas fameux. Donc, soyez pas étonnés si l'an prochain, il n'y a pas de Grand Prix en Turquie. C'est pas grave, on fait la file hein, pour essayer d'obtenir des Grands Prix là, du côté des villes un peu partout à travers le monde. On devrait trouver 16e, là, du côté de la gang de Bernie Ecclestone. NASCAR, maintenant. Du côté du NASCAR, on est au RIR, le Richmond International Raceway, du côté de Richmond, en Caroline. Alors, la course de cette fin de semaine s'est disputée à 7h30. C'est une course de soir, samedi soir. Tout est excellent, les courses à Richmond. C'est une de mes pistes préférées, mis à part les Super Speedway de 2 km, les Talladega et Daytona. J'adore Richmond. La configuration nous donne tout le temps des courses très excitantes. Ça ne devrait pas être très différent cette année là du côté de cette course. Toujours au classement, Carl Edwards, toujours premier avec 5 points d'avance sur Jimmy Johnson, qui continue à pousser pour avoir son, je ne sais plus comment, 10e championnat de suite. Là, je pense qu'il y en est à 4 ou 5 là, du côté de Johnson. Darren Hart est 3e, donc ça va bien pour Earnhardt en ce début de saison, suivi de Kevin Harvick et Kurt Busch en 5e position, qui ferme la marche à 28 points du meneur. Par contre, on le sait, là, la saison est encore extrêmement jeune du côté du NASCAR. IndyCar. On reste dans la course automobile. IndyCar course en fin de semaine du côté de Sao Paulo, au Brésil. C'est une course dans les rues de Sao Paulo, donc c'est un circuit qui n'est pas très, très, très fun à voir. Très longue ligne droite là, du côté de Sao Paulo, suivi de deux virages à 90 degrés. Donc, c'est le 1er mai. Cette course qui se déroule à midi, parce que Sao Paulo, ici, il n'y a pas vraiment de décalage horaire. Je pense qu'il y a une heure de différence. Donc, on peut attraper ça là, sur les zones en dînant. Ça vous tente, là, tout ça. Parce que c'est le fun à suivre, là, Alex Taglioni, qui a quand même des bons résultats cette année. 73 points. Il est 6e au classement, Taglioni. Dario Franchitti, toujours premier, là, à 122 points. Will Power, 2e, avec 115. Suivi de Tony Cannon et Oriol Servia. Mike Conway, aussi, en 5e position, qui ferme la marche devant Taglioni. Donc, à date, ça va bien pour Taglioni. Lui qui est seul, quand même, dans son écurie. C'est pas toujours facile, mais pour qui on disait que les choses financières allaient de mieux en mieux. Il n'y a pas à s'inquiéter, donc c'est une bonne chose pour lui, parce qu'il n'y a rien de pire pour un pilote que de devoir s'inquiéter. Hey, on lâche la course automobile, on parle maintenant de basketball. Eh bien, toutes les séries au basketball sont terminées dans l'NBA, mis à part une. C'est-à-dire que les Grizzlies de Memphis et les Spurs de San Antonio, la série est 3-2 en faveur des Grizzlies. Toutefois, le dernier match qui avait été disputé cette semaine, je crois que c'est mercredi, une victoire de San Antonio, 110-103 contre Memphis, qui a forcé un 6e match dans cette série-là. Donc, on s'en tire du côté de Memphis. Les autres séries, ben, les Lakers, finalement, ont réussi, là, alors que c'était 2-2 dans la série, à remporter le match 4 et le match 5 et le match 6 par la marque de 106-90 et 98-80, donc deux bonnes dégelées. Il remporte la série 4-2. Dallas l'a emporté 4-2 aussi contre Portland avec une victoire de 103-96. Oklahoma City a fait que d'une bouchée des Nuggets de Denver, une victoire de 100-97 lors du dernier match. Leur donne la victoire en cinq matchs. Chicago, une victoire facile, 116-89 contre les Pacers de l'Indiana. Ils avancent au deuxième tour. Philadelphie-Miami, ben ça, c'est sans trop de surprise aussi. 97-91, la dernière victoire. Miami avance en deuxième ronde. Boston, on l'avait dit, victoire 4-0 aisément. Et Atlanta, qui, à mon avis, surprend un peu le Magic. Je m'attendais à voir le Magic passer. Une victoire à la défensive, 84-81, lors du sixième match de cette série. Atlanta avance en deuxième ronde. Donc, c'est pas mal ce qu'il fait pour le basketball. Hockey, on y va avec le hockey, championnat du monde. Ça débute très bientôt, ça débute aujourd'hui, même le 29 avril. Les matchs là, au registreur là, pour aujourd'hui, la Russie va affronter la Germanie, la Suisse va affronter la France, la Slovaquie va affronter la Slovénie et le Bélarus affronte le Canada à Kosice. C'est à 20h15, heure locale là, du côté de la République tchèque. Quatre groupes, comme toujours, quatre groupes de quatre équipes. Le groupe A qui va jouer à Bratislava, ça va être la Russie, la Slovaquie, l'Allemagne et la Slovénie. Le groupe B, le Canada, la Suisse, le Bélarus et la France. Disons-le, le Canada a obtenu un groupe plutôt facile. Quoique, il n'y a pas de très grosses pointures là, du côté du Canada nécessairement là, qui se sont rajoutées à l'équipe. Le groupe C qui va évoluer à Kosice comme le groupe B. La Suède, les États-Unis, la Norvège et l'Autriche. Et finalement, le groupe D qui, lui, est à Bratislava, la Finlande, la République tchèque, la Lettonie et le Danemark. Logiquement, là, je crois pas qu'il y ait trop de surprises. Le groupe A était peut-être un petit peu plus difficile, c'est-à-dire que l'Allemagne est quand même capable de se démener un peu. Donc, Russie, Slovaquie et Allemagne pour pour ces formations-là. Donc, le premier match du Canada, comme j'ai dit, c'est aujourd'hui. Le deuxième contre la France, nos cousins français, c'est dimanche, le premier, à 16h15, heure locale. Il y a quoi, à peu près 7-8 heures de différence entre nous ici, là? Je pourrais pas dire, donc... Attendez-vous, le voyez-vous. Et le premier match qui débute à 16h15 débute dans une heure. Donc, ça fait à peu près 8 heures. Hein? C'est, ouais. Si on compte, là, on parlait la semaine passée des joueurs du Canadien qui pourraient se joindre à l'équipe. On a eu deux joueurs qui ont refusé l'invitation. Exactement, Mike Connery et Piqué Sauben qui ont refusé. C'est compréhensible quand on termine une saison tard comme ça. Tu sais, je ne dis pas si le Canadien avait été éliminé en 5 matchs. Ouais. Probablement que Piqué aurait accepté. Michael, je ne sais pas. Bon, peut-être une blessure, peut-être... il y a peut-être des choses qu'on cache du côté de Piqué, la santé a l'air très bonne. Donc, dans ce cas-ci, pourquoi qu'on a refusé? Ben, on a à peine eu le temps d'aller chercher nos affaires au Centre Bell. Donc, tu te dis, ça serait trop rapide. Faut que je décolle, là, c'est beaucoup trop rapide. La formation canadienne, Luke Shen, Dean Phaneuf, Brent Burns, Evander Kane, Travis Zajac, Andrew Ladd, Jason Spezza, John Tavares, Kyle Clutterbuck, Chris Stewart, Alex Pietrangelo, Mark Mehta, James Reimer, Devin Dubnyk, les deux gardiens de but, Jeff Skinner, Rick Nash et Matt Duchesne complètent la formation. Donc, je pense qu'on a 15 joueurs, 2 gardiens enregistrés présentement. Je ne sais pas si on peut rajouter d'autres joueurs une fois que c'est commencé, mais décidément, c'est clair que la formation n'est pas au goût de Ken Hitchcock. On aurait voulu rajouter quelques joueurs, mais ce n'est pas le cas. Surtout dans les buts. Devin Dubnyk, qui d'après moi va obtenir le départ. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Écoute, c'est difficile à dire, là, mais c'est certainement pas la meilleure équipe canadienne qu'on a pu avoir à travers les temps. Hey, on s'en va en musique. On s'en va écouter un peu de mal à jupe. Un petit peu de mal à jupe. Du côté de leur nouveau CD qui vient de sortir. La chanson s'appelle Synesthésie. Je dis tout le temps synthétiseur, là, un peu, là. Donc, Synesthésie, mal à jupe. Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com et notre site web inconduitedepartie.com. Bonjour, je suis Michel Bonneval, vous écoutez l'Inconduite de partie. Et c'était Malajube avec la chanson Synesthésie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On va maintenant discuter hockey junior là, avec M. Jonathan Roberge de l'Hebdo de Saint-Maurice. Ça va bien, Jonathan? On m'appelle monsieur. Ben oui, monsieur. Incroyable. Monsieur. Hein? Tu le mérites. Ah, ben merci beaucoup. Très fort, tu le mérites. Incroyable. Jonathan, la poussière est retombée là, un peu suite à l'élimination des Cataractes de Shawinigan face aux Remparts de Québec une semaine plus tard. On a fait notre bilan de fin de saison du côté de Martin Mondou, du côté de Gal Breton et Éric Veilleux là, cette semaine, mardi. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, là, de ce qu'on a pu dire en conférence de presse? Ben, je pense qu'en fait, là, c'est une saison au-delà des espérances pour les Cataractes. Il faut comprendre que tout ce qui a été fait cette année était fait en fonction de l'an prochain, sans trop sacrifier cette année. Alors, c'est un peu ce que Martin Mondou avait en tête lors de la dernière période des transactions. Ça a amené à des échanges comme celui de Ryan Cavanagh, qui est venu soutenir les Cataractes cette année, mais qui sera vraiment une des pierres angulaires de l'équipe l'an prochain. Pour ce faire, là, Martin Mondou, en préparant l'an prochain, a toutefois échangé quelques-uns de ses soldats cette année, comme Raphaël Pouliot, notamment, là, qui a été acquis en retour de choix au repêchage. Alors, c'est certain que pour cette année, ça donnait pas grand-chose, mais pour l'an prochain, ça deviendra une transaction payante. Disons-le, Raphaël Pouliot à la série a quand même été utile cette année, là, au niveau des petits coups de coude, mais coups d'épaule plutôt. Ben, tout à fait, là. Donc, c'était ce qu'on peut dire par sacrifier une partie de cette année. Toutefois, ce que Raphaël Pouliot aurait permis aux Cataractes d'accéder au corridor, personne ne le sait réellement. Chose certaine, il y a eu du mouvement de personnel lorsqu'il a échangé, là, oui, Loïc Poudrier, mais également Joey Dubé au Rempart de Québec. Cette transaction-là était pour en préparer une qui n'était pas vraiment une transaction. C'était pour faire de la place à Peter Sakkari, c'est ça. C'est probablement l'une des plus belles réalisations de Martin Mondou lors de la dernière saison, l'arrivée de Peter Sakkari, qui a vraiment transformé le visage des Cataractes, non seulement en donnant du punch à l'attaque, mais également en donnant un peu plus de souffle là, à Dave Labrecq, qui par la suite là, a vraiment doublé sa production au niveau des points, était mieux alimenté et se sentait également peut-être un peu moins seul là, pour diriger l'attaque des Cataractes. Alors, Sakkari qui a vraiment transformé le visage, et on sentait Mondou également très fier la transaction qu'il a réalisée pour amener Mathieu Gagnon à Shawinigan. Pour comprendre que celui-là a été pratiquement donné par les Tigres de Victoriaville et finalement a livré de bons services là, pour les Cataractes, même en séries éliminatoires. Là, c'est vraiment un défenseur qui est à caractère défensif, mais très bon là dans ses batailles à un contre un le long de la rampe. Et puis, il est fier défensivement. Alors, pour une bouchée de pain, là, Mondou qui a obtenu ses services, et je serais pas surpris, lui, de le revoir dans l'édition de l'an prochain. Quand on regarde ça, là, travaille tout. Bon, là, pour l'an prochain, on a 4 joueurs de 20 ans présentement. Je pense que c'est pas mal réglé du côté des 3 qui vont rester, c'est-à-dire Benjamin Cazavant, Ryan Cavanagh et Gabriel Girard, bien sûr. On fait quoi de Goyette? Oui, ben en fait, Martin Mondou a pas complètement fermé cette porte-là. Ce qu'il a mentionné, c'est qu'il en avait 4. Ça semblait évident que c'était ces 3-là, mais on sait jamais ce qui peut se passer au cours de l'été. Il faut comprendre que le rendement de Benjamin Cazavant en fin de saison et même durant la saison en général là versus les attentes est peut-être un peu décevant. Séries éliminatoires, il était incommodé par une sévère pneumonie, mais malgré tout, les résultats là qu'il laissait à désirer. Honnêtement, je ne crois pas qu'on va se départir des services de Benjamin Cazavant, mais néanmoins, là, on laissait une fenêtre ouverte à savoir si Goyette serait de retour. Sinon, aucun doute dans mon esprit qu'il va se trouver du boulot assez rapidement, Marc-Antoine Goyette. C'est un excellent défenseur qui peut affronter quand même sans dire les meilleurs joueurs de l'autre équipe. C'est peut-être pas un défenseur de première paire, mais chose certaine, c'est un excellent troisième, quatrième défenseur. Alors, aucun doute là qu'il y a plusieurs équipes qui vont être intéressées à ses services et Martin Mondou là, pourra lui trouver un autre endroit pour terminer sa carrière. J'imagine qu'on a dû discuter de l'expérience que les joueurs ont acquis cette année en séries éliminatoires pour l'an prochain du côté de la longue course du marathon qui va mener à la Coupe Memorial. Oui, ben, c'est certain que cette année, vraiment, là, peu de gens donnaient cher de la peau des Cataractes. Il y en a qui les avaient même mis perdants face aux Rockets. Alors, ils ont traversé le premier tour et d'excellente façon. C'est jamais facile d'aller chercher des victoires sur la route. Après un match bien moyen à Shawinigan et une victoire là au Centre Bionnet, les hommes d'Éric Veilleux qui se sont rendus à Charlottetown pour affronter le Rocket. 3 victoires en autant de matchs là-bas sur les patinoires ennemies. Alors, c'était bien encourageant. Par la suite, bon, 2 matchs extrêmement décevants à Québec en entrée de jeu dans la série face aux Remparts, mais je pense que le restant de la série a été très serré, très excitant pour les amateurs. Alors, d'autres victoires, entre autres, là, sur la route au Colisée Pepsi. Alors, tout ça a donné un beau bagage d'expérience. Le match numéro 7 aura été difficile à encaisser pour les joueurs, mais malgré tout, là, ça aussi, c'est une expérience qui sera salutaire en prévision de l'an prochain. Toi, Jonathan, t'en penses quoi de cette formation-là là, qui a terminé sa saison? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, c'est certain qu'il y a des besoins, des lacunes à combler chez les Cataractes. Par ailleurs, Martin Mondou qui a confirmé ce que tout le monde savait déjà, ouais. Soit l'acquisition du robuste Vincent Arsenault. Alors, lui va se rapporter aux Cataractes là, au cours de la saison morte pour participer au camp d'entraînement de l'équipe. Maintenant, il y a des besoins qui sont évidents, notamment en défensive. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Goyette s'en va. Mais il y a également Gabriel Lemieux qui a terminé sa carrière, ainsi que Dominique Schlumpf, là, qui lui retourne là, du côté de HC Lugano dans la Ligue élite suisse. Alors, ça laisse trois postes en défensive qui sont ouverts. Si je regarde qu'est-ce qu'il y a présentement en place chez les Cataractes, Dylan Donnelly est loin d'être un défenseur numéro un. Pour vous donner une idée, il a même pas terminé les séries éliminatoires. C'est Mathieu Gagnon qui a pris sa place. Alors, sans vouloir rien lui enlever, là, c'est pas lui qui sera défenseur numéro un. Jonathan Racine, lui, est un numéro 2 cette année. Est-ce qu'il est prêt à être numéro 1? On le verra bien. Chose certaine, s'il devient numéro 1, ça prendra un numéro 2 parce que Ryan Cavanaugh est excellent pour diriger l'attaque à 5, mais à 5 contre 5, c'est pas vraiment le meilleur défenseur des Cataractes non plus. Alors, dans ma tête à moi, je le situe dans la chaise du défenseur numéro 3. Alors, ça va prendre au moins un défenseur numéro 1 et un défenseur numéro 4 par la suite, Justin Haché et Mathieu Gagnon, là, 5 et 6. On peut être très à l'aise de cette façon-là. Alors, ça va prendre au moins là, deux défenseurs chez les Cataractes. On va aller à la pêche là, du côté de Martin Mondou. Là, selon ce que tu nous dis, un des gros poissons qu'on aimerait ramener à Bonport, c'est Michael Matheson. Tu y crois ou tu y crois pas? Honnêtement? Oui. Absolument pas. Moi non plus. Absolument pas. Depuis le début que Michael Matheson a été repêché par l'organisation des Cataractes, le discours a toujours été le même, qu'il était déjà assuré là, qu'il quitterait vers les États-Unis la saison prochaine. Les Cataractes lui ont demandé de venir faire un tour, l'a fait, a respecté ses engagements, a même été agréablement surpris parce que ce que l'équipe avait à lui offrir, a décidé de sauter sur la patinoire avec les Cataractes pour participer à une séance d'entraînement. Alors vraiment, là, a goûté pleinement l'expérience Shawinigan. Toutefois, même après ça, a dit à Martin Mondou, merci, c'était agréable, je l'ai essayé, je saurai maintenant, si un jour mes plans chamboulent, je saurai maintenant à quoi ressemble Shawinigan. Toutefois, là, comme je vous l'ai mentionné il y a quelques semaines, mon souhait premier est de me rendre aux États-Unis. Et bon, il s'était donné jusqu'à la période des fêtes. Finalement, ça a été un peu plus long, mais a finalement signé avec le Boston College en vue de se rendre plus tard là, à l'Université de Vermont. Alors vraiment, les plans de Matheson qui sont faits, c'est signé, c'est dans la boîte. Martin Mondou qui va quand même lui lâcher un coup de fil là, au cours des prochains jours. Il attendait la fin de la Coupe TELUS là, où Matheson participait justement pour relancer le débat et tenter de le convaincre. Donc, c'est peut-être déjà fait à l'heure où on parle ce fameux coup de fil-là. Mais on avait également posé la question à Matheson, là, advenant le cas où la Coupe Memorial sera à Shawinigan, et il avait dit « C'est certainement pas un tournoi d'une semaine qui va changer mon avenir. » Alors lui, semble bien décidé. Pour les Cataractes, Martin Mondou lui-même l'a dit la semaine dernière, il devrait être beaucoup plus imaginatif et beaucoup plus créatif que parler de la Coupe Memorial pour le convaincre de venir à Shawinigan. Ouais, définitivement. Et vraiment, là, du côté de Matheson, c'est triste parce que on regarde ce qui s'est passé au niveau de la Coupe TELUS. A été nommé le meilleur défenseur, meilleur joueur défensif là, du côté de toutes les formations qui étaient là. Ça en dit long sur le talent du jeune, mais malheureusement, moi aussi. Puis le fait qu'il a signé avec Boston College, on parle pas d'un programme. On revient souvent à Louis Leblanc là, dans ces exemples-là, mais bon, le programme d'Harvard n'est pas un très grand programme de hockey, mais celui de Boston College, on parle des champions nationaux. C'est pas des deux de pique. Ben, tout à fait. Et puis, lors de son seul stage à Shawinigan, Matheson, lorsqu'il a chaussé les patins, avait pratiqué l'attaque à 5 avec Dominic Schlumpf. Okay. Éric Veilleux était clair après cet entraînement-là. Il disait Michael Matheson se rapporte demain. Il peut facilement, malgré ses 16 ans, diriger la première unité d'avantage numérique. Je vous rappelle que c'est Dave Labrecque qui occupait cette chaise-là cette année. Oui, ah oui, c'est vrai, avec le type puissant de Labrecque. Donc, on va probablement mettre ça en dessous du tapis là, pour Matheson. Donc, pour les prochaines jusqu'au repêchage, tu penses que ça va se dérouler au repêchage, les gros changements, ou on va plus attendre vers Noël? Difficile à dire. Tout va dépendre du marché. C'est certain qu'il y a un double risque là, associé à tout ça. Si Martin Mondou décide de ne pas bouger au prochain repêchage, les autres équipes sauront là, qu'il est au pied du mur à la période de Noël. Alors, à ce moment-là, ce sera facile de lui extorper quelques valeurs de plus là, pour justement là, aller faire ces transactions-là. Ils vont savoir que Martin Mondou n'a pas le choix d'aller chercher les joueurs, alors le prix sera peut-être un peu plus élevé. Toutefois, s'il fait une transaction au mois de juin, ben, ce sera important là, de s'assurer que ce sera vraiment le bon joueur qu'il ira chercher. Alors lui, ce qu'il a mentionné, c'est qu'il est disposé à échanger dès maintenant, à condition d'être certain là, de son mouvement. Il n'a pas l'intention de faire des transactions pour le plaisir de faire des transactions. Il va être très agressif au niveau des agents libres. Ça, c'est déjà confirmé. C'est certain qu'en allant chercher des joueurs là, qui sont libres en Ontario ou en Europe, par exemple, là, les Cataractes qui vont sélectionner un 14e là, leur prochain enquête européen. Alors, c'est certain que pour un joueur là, qui est sans contrat actuellement, Shawinigan est une destination assez intéressante avec la Coupe Memorial. Alors, lui espère là, convaincre notamment les jumeaux Spink qui ont laissé une impression assez incroyable lors du dernier camp d'entraînement avant de retourner là pour des motifs personnels là pour une autre saison là dans la Ligue Junior A de l'Ontario. Alors, Martin Mondou qui va tenter là de les convaincre de venir à Shawinigan cette année. Il y a notamment Thomas Ward Cardinal qui, lui, était blessé lors du dernier camp d'entraînement, n'a pu se faire justice. Est considéré comme le meilleur défenseur de 18 ans dans la Ligue de l'Alberta Junior A. Alors, lui, sera également au camp d'entraînement de l'équipe l'an prochain. Alors, il y a quelques solutions comme ça là, qui pourraient venir de l'intérieur. Est-ce qu'Holden Anderson, qui évolue présentement aux États-Unis, pourrait décider de venir à Shawinigan comme l'a fait Sakaris? C'est tous des points d'interrogation présentement qui seront à voir au cours de l'été et qui pourraient finalement là, combler quelques-uns des besoins de l'équipe. Oui, puis il y a aussi le nombre de choix de repêchage qu'on dispose là, du côté des Cataractes. C'est sûr que des choix de repêchage, où est-ce que ça vaut cher? C'est au repêchage, donc il y a des bonnes chances que ce soit, on voit du mouvement là, du côté de Martin Mondou à ce moment-là. Ah ben tout à fait, et puis la banque des Cataractes, je ne l'ai pas devant moi, mais la banque est assez impressionnante. Là, un choix de première ronde, si je ne me trompe pas, il y a deux choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, donc il y a vraiment un éventail assez garni, là, probablement le plus bel éventail de choix repêchage parmi les équipes qui veulent bouger cette année. Alors, ce sera à voir là, ces mouvements au cours des prochaines semaines. Déjà, il y a quelques lignes qui ont été lancées à gauche et à droite. Martin Mondou, lors du dernier showcase de la Ligue de hockey junior majeur du Québec la semaine dernière, a déjà discuté avec quelques collègues, leur faire part de ses besoins, leur dire ce qu'il était prêt à échanger ou jusqu'où il était prêt à aller. Donc, les premières discussions ont déjà été amorcées. Reste à voir maintenant là, qui retournera ses appels. On va s'attendre à ce que les noms soient assez différents dans le vestiaire des Cataractes l'an prochain. Ben, au moins 4 ou 5, là, c'est ce qu'a évalué Martin Mondou là, lorsqu'on lui a posé la question à combien d'acquisitions près crois-tu que ton équipe est prête justement à disputer le tournoi de la Coupe Memorial? Et lui a parlé de 4 morceaux de casse-tête là, avant d'avoir vraiment son puzzle idéal. Alors, évidemment, je pense que ça passe par un allié droit pour jouer aux côtés de Bournival et de Veilleux. On a essayé Anton Zlobin à plusieurs reprises. C'était des résultats parfois bien, parfois mauvais. Zlobin qui avait tendance là à trop vouloir refiler le disque à Bournival au lieu d'utiliser son lancer. Éric Veilleux là qui a fait la combinaison des centaines de fois cette année. Les résultats qui tardaient toujours. Alors je pense que faudra trouver un allié droit pour entourer Michael Bournival. Faudra trouver 2 défenseurs. Par la suite, on verra pour le reste là. Qu'est-ce que les Cataractes vont décider, qu'est-ce que Mondou a en tête. Mais je pense que les priorités, c'est au moins là, un attaquant pour évoluer à droite et 2 défenseurs. C'est bon. Hey, Jonathan, en terminant, admettons, là, mettons que les Remparts l'emportent là, ce soir contre les Olympiques de Gatineau. Finale à Remparts St. John's, ta prédiction? St. John, à nouveau, je pense que personne ne pourra les arrêter cette année. J'ai bien hâte de les voir, là. C'est toujours difficile de comparer un club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à un club de la Ligue de l'Ontario, de la Ligue de l'Ouest. D'autant plus difficile quand on suit pas vraiment quotidiennement les activités de ces équipes-là. Alors, j'ose pas trop me prononcer là pour la suite des choses à la Coupe Memorial, mais selon moi, là, aller voir aller présentement les Maniacs, c'est ça. les Sea Dogs de St. John, une seule défaite en série éliminatoire contre les Tigres, très peu de défaites en saison régulière. Je pense que personne au Canada pourra les arrêter là cette année. Je pense que je l'ai dit d'entrée de jeu en série éliminatoire, on est aussi bien de donner la Coupe du Président immédiatement aux Sea Dogs de St. John et les laisser se préparer pour la Coupe Memorial. Je pense que c'est un peu ce qui est après se produire. Totalement d'accord avec toi. Jonathan, je veux te remercier. C'est la dernière conduite de partie ce matin, là, la dernière émission à vie. Donc, je veux te remercier pour l'apport que tu as amené à l'émission et c'est ça, là, et ton caractère, le fun, ça a été très plaisant de t'avoir sur l'émission cette année. Ben, ça a été très plaisant pour ma part aussi. Félicitations, messieurs, pour votre bon boulot. Et puis, bonne chance, là, Nicolas, pour la suite. Je pense que les chemins sont à la croisée présentement. Et puis, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Merci beaucoup, Joe. Hey, merci. Sinon, je demanderai ma passe junior majeur, puis on se verra sur la galerie de presse l'an prochain. Ben, toujours. Pas inquiet, mon vieux. Salut, Jonathan. Salut. Salut. Alors, c'était Jonathan Roberge de l'Hebdo de Saint-Maurice. Donc, si vous voulez savoir les développements, ce qui va se passer cet été là, en vue du repêchage de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, l'hebdo-de-saint-maurice.com. Ça va une pause. Au retour, les nouvelles Black Keys en musique. Et on parle de la Ligue nationale de hockey, les séries éliminatoires. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Une seule série est en action hier dans la Ligue nationale alors que les Canucks de Vancouver recevaient les Prédateurs de Nashville à l'occasion du premier match de la série demi-finale dans l'Ouest. Roberto Luongo a tout arrêté les tirs dirigés vers lui et a aidé son équipe à battre Nashville par la marque de 1-0. Dans la LHGMQ, les Remparts de Québec pourraient éliminer les Olympiques de Gatineau dès ce soir au Colisée Pepsi. Québec a l'avantage 3-1 dans la série et est en train d'en finir le plus tôt possible pour aller rejoindre les Sea Dogs de Saint-Jean en finale. Dans la Ligue américaine maintenant, les Bulldogs d'Hamilton affrontaient les Moose du Manitoba. Hier à l'occasion du premier match de la deuxième ronde des séries. La partie s'est soldée par un pointage de 4-1 en faveur des Bulldogs qui prennent ainsi l'avantage 1-0 dans la série. Plus tôt dans la journée, Ryan White a été cédé à Hamilton et devrait être d'office pour la rencontre numéro 2 qui aura lieu dimanche. Au football maintenant, c'est Cam Newton qui a été le premier choix du repêchage de la NFL hier. Le quart d'Auburn se joindra donc aux Panthers de la Floride. Le repêchage des rondes 2 et 3 aura lieu ce soir dès 18h. En patinage artistique, le Canadien Patrick Chan a remporté son premier titre mondial hier à Moscou. Le Torontois de 20 ans a établi 3 nouveaux records mondiaux récoltant 187,96 points dans son programme long pour un total de 280,98 points. Ces deux records ont été réalisés moins de 24 heures après qu'il ait établi une nouvelle marque de 93,02 points dans le programme court. Au tennis, Milos Raonic a vaincu le Portugais João Sousa en deux manches 6-3 au deuxième tour du tournoi d'Estoril. L'Ontarien de 20 ans a atteint donc les quarts de finale d'un tournoi sur terre battu pour la première fois depuis qu'il est sur le circuit de l'ATP. Finalement, je vous le rappelle, le Québécois Georges St-Pierre défendra sa ceinture demi-moyen contre Jake Shields à l'occasion du UFC 129 qui se déroulera à Toronto samedi soir. Pour sa part, Marc Dominic tentera de détrôner le championnat des poids plumes, José Aldo. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Ah! Black Keys avec Hauling For You. Les Black Keys là, qui ont été un des groupes fétiches de l'année 2010 là, qui sont devenus beaucoup plus populaires là, sur la scène musicale internationale. Donc, un des groupes qui était en contention, entre autres, avec Arcade Fire au dernier Grammys. On parle maintenant hockey avec Jonathan Bernier de Journal de Montréal. Ça va bien, Jonathan? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, très bien. Là, le printemps se pointe le bout du nez. Joe, parlant de printemps, parlant de golf, eh bien, le Canadien, malheureusement, a dû plier les chines devant les Bruins de Boston. On peut être fier quand même de notre performance du côté du bleu, blanc, rouge. Bon, on peut être fier, oui, mais en même temps, on peut être fier parce que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines déjà, le Canadien est entré en série avec plusieurs joueurs amochés. Des joueurs qui ont été blessés aussi pendant la série. Il y a eu, entre autres, Lars Eller qui a eu une dislocation de l'épaule. Jeff Halpern s'est fait frapper solidement dans le dernier match. Je suis pas sûr s'il était encore tout là au complet à la fin de la rencontre. Il se rappelle pas les deux dernières périodes. Non, c'est ça. Puis là, il nous manquait évidemment là, les blessés de la saison, là, Markov, Georges, etc. Donc, point de vue performance, je pense que le Canadien est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Cependant, ça aurait finalement été le manque d'opportunisme qui leur a coûté la série trois fois en prolongation. Pas en mesure de remporter un seul de ces matchs-là en prolongation. C'est ce qui fait mal là, au bout de la ligne. Là. Puis bon, on pense entre autres au but ouvert là, arrêté par Ken Ellery qui a vu son lancer être arrêté par Chara, l'arrêt de Thomas sur Genta. L'arrêt de Ryder aussi. Donc, tout ça au cours du même match. Donc tu sais quand un but fait la différence dans une série, faut que tu t'arranges pour pas en manquer trop souvent. Ce qui était drôle, on a montré ça à CBC, là, Michael Ryder, ils ont réussi à trouver des images après son arrêt miraculeux. Michael Ryder est gardien de but dans sa ligue d'Hockey Cosum du côté de la nouvelle de Terre-Neuve, là, dans le fond. Là. Donc, on a réussi à sortir des photos de ça. Faut croire que ça va y avoir servi dans sa carrière de hockeyeur professionnel. Ben écoute, moi, je trouvais qu'il avait un excellent style papillon. Ouais, vraiment. Ça doit venir de là, j'imagine. Ah, écoute, il a dû discuter avec François Allaire ou quelque chose comme ça. Donc, on tient quoi comme conclusion de ces séries-là? Est-ce qu'on peut dire... c'est tout à fait difficile pour une équipe de mettre ça sur la faute des blessés. C'est difficile, par contre, pas le faire dans le cas du Canadien, mais penses-tu qu'avec une équipe le moindrement en forme, on passe à travers les Bruins? Moi, je pense que oui. Ouais. Juste à la défense, juste avec un Markov et un Georges de plus, on s'en verrait que Georges, l'an passé, a fait tout un travail avec Al Gill contre les Capitals et contre les Pingouins. Je pense que ça aurait fait une grosse différence. À l'inverse, par contre, on aurait peut-être pas assisté à l'éclosion de Piqué-Souben, en tout cas pas à une si grande échelle que ça. Il y a eu beaucoup de chambardements. Je pense que le système défensif du Canadien en a peut-être souffert un peu, étant donné que les gars qu'on a ajoutés en cours de route étaient moins habitués. Mais écoute, je pense qu'on peut pas nécessairement toujours mettre, comme tu dis, sur la faute des blessés, mais dans le cas présent... Je pense que ça a joué beaucoup là, dans la fin de saison du Canadien. Il y a eu des joueurs qui ne se sont pas nécessairement levés non plus. Ça, je pense qu'on peut ajouter ça dans les causes de l'élimination. Bon, Scott Gomez qui a fait son meilleur coup de pas hier. C'était correct, là, mais... une fois la saison terminée, c'est un peu facile. Là. C'est comme quand tu fais une niaiserie à la maison et que tu t'excuses après là, ta mère. Là, c'est un peu la même. À se tenir d'un moins toute l'année comme ça, il va être bon golf cet été? Ouais, c'est ça. La saison va être prometteuse. Écoute, je pense que Brian Jatta a souffert un peu aussi du manque d'apport plutôt de Scott Gomez. Benoît Pouliot, là, qu'on n'a pas vu, même dans les médias, qu'on n'a pas vu depuis sa punition pour Assault là, dans le match numéro, je ne me souviens plus, le 2 ou le 3. Écoute, ça, c'est sûr que tu as besoin des gars qui marquent des buts, tu as besoin qu'ils remplissent le filet en série dans les moments opportuns, dans une série serrée comme on a vu, ou encore une fois, je me répète, là, mais où un seul but fait la différence la plupart des matchs. T'as besoin de tes marqueurs, t'as besoin que tes marqueurs produisent pour donner un peu un souffle à ton gardien et à tes défenseurs. Est-ce que tu penses que c'est la fin de Benoît Pouliot à Montréal? Moi, je pense que oui. Moi aussi. D'ailleurs, si on se rappelle, au camp d'entraînement, je vous avais dit que je pensais pas qu'il terminerait la saison à Montréal. Finalement, il y a eu un bon passage là, au milieu de la saison. Là, il avait marqué pendant peut-être 4 ou 5 matchs consécutifs, là, ce qui n'avait pas été vu depuis un bon bout de temps. Puis il avait été intense aussi. Il s'était battu, il avait bien répondu aux demandes de Jacques Martin. Fait que ça lui avait donné un sourcil. Mais là, écoute, là, incluant Benoît Pouliot, il y a 18 gars qui tombent aux joueurs autonomes au mois de juillet. Là, évidemment, il y en a avec restriction et sans restriction. Mais va falloir que le Canadien fasse des choix. Mais j'ai l'impression que Benoît Pouliot va peut-être être sacrifié dans ces choix-là. Parlons-en de ces choix-là. Là, il y a une chose qui est sûre, on ne pourra pas garder et James Wisniewski et Andrei Markov à Montréal, ou du moins, je ne crois pas. On fait quoi avec le cas Markov? Il a quand même pas disputé beaucoup de matchs dans les deux dernières saisons. Non, ça, c'est un cas... J'aimerais pas être dans les souliers de Pierre Gauthier pour ce dilemme-là. Est-ce qu'on donne un contrat à long terme à Markov? Est-ce qu'on se contente d'une saison? Et si on se contente d'une saison, premièrement, est-ce que Markov va vouloir accepter un contrat d'une saison? Ça serait plutôt surprenant. James Wisniewski... Oui, offensivement, il a été une bougie d'allumage cette saison, mais en défense, c'est jamais très, très certain. Là. Puis en plus, lui, il est dans une mode, là, dans un mode au cours des dernières saisons où il augmente d'environ 500 000 $ son salaire à chaque année. Là, il était à 3,25 la saison dernière, donc on peut s'attendre à quelque chose avoisinant les 3,75 ou 4 millions. Donc, ça va être, le premier choix à faire. Ensuite, on regarde les autres défenseurs. Al Gill, est-ce que c'est terminé? Moi, j'ai l'impression que oui. Le coup de la misère avance sur la patinoire. Il est rendu assez avancé en termes d'âge. Là, puis, on a déjà Roman Amerlik. Je pense que lui, on va le garder s'il accepte une légère diminution de salaire, par contre, là. Donc, je pense que c'est le temps de rajeunir un peu la brigade défensive. Puis justement, il y a des jeunes cette année qui ont montré un peu qu'ils étaient prêts à prendre la place. Là, bon, Souban est en tête de liste. Il y a Weber qui peut se débrouiller comme cinquième ou sixième défenseur, j'ai bien l'impression. Donc, moi, je pense qu'Argill, c'est terminé pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire avec Brent Saupel? Est-ce qu'on doit ramener seulement pour patcher les trous c'est les blessés, ou on avait des plans pour lui à plus long terme? Est-ce que... Paul Mara, ça, lui, c'est terminé. Je pense que lui, il était vraiment là juste pour la fin de la saison. Ouais. Là. Du côté de Saupel, est-ce que tu connais son salaire exactement? Cette saison, c'était 2,33, 2,333 000. C'est cher pour un 5-6e défenseur. Ouais. C'est cher, effectivement. Effectivement, lui, quand tu gagnes la Coupe Stanley une fois, t'es gagnant à vie, là, mais est-ce que son apport avait été assez suffisant pour les Blackhawks pour vraiment mériter ce quoi qu'il l'avait avant, là, mais même à ça, je sais pas. Là. Fais peur, Brent. Fais peur, par exemple. Ouais. Fais peur. Il est gros, son gros, il fait peur. Tu regardes en avant aussi, parce qu'en avant aussi, à l'attaque, il y a des choix à faire. On en parle un peu moins. C'est ça que je m'en allais dire, là, du côté de l'alignement au complet, on risque d'avoir énormément de changements là, l'an prochain. Moi-même, je voulais commencer par le cas Scott Gomez. Il reste 3 ans son contrat, si je ne me trompe pas, Scott Gomez. Ouais, c'est ça. 3 ans, 7,5 environ. Là. Mais c'est un contrat, j'ai lu hier, là, qui est descendant un peu, c'est-à-dire qu'il va faire moins à partir des prochaines saisons. Est-ce qu'on commence à envisager peut-être le racheter? Je sais pas, parce que c'est encore cher quand même. Moi, j'ai l'impression que s'il y a un rachat à avoir, ça va peut-être être après la prochaine saison. Ouais, hein? Sinon, j'ai l'impression que cet été, Gauthier va faire des pieds et des mains pour essayer de le passer à quelqu'un d'autre, là, faire un peu le même tour que Glenn Sater qui est à New York, là, qui avait repilé Gomez à Bob Gainey. Fait que j'ai l'impression qu'il va essayer de trouver un poisson là, pour refiler la patate chaude. Je viens de regarder là, au niveau de son salaire. Gomez, la prochaine saison, fait 7,5 millions. Il en faisait 8 cette année. Les deux saisons suivantes, 5,5 et 4,5 millions. Donc, à partir de là, lorsqu'on rachète un contrat, c'est quoi la pénalité sur le cap? Je ne sais pas si tu peux renseigner là-dessus. En fait, je ne veux pas me tromper, là, mais je pense que c'est tu divises le salaire en nombre d'années qui restent. Okay. Donc, là, si on rachetait le contrat présentement, là, Là, il resterait 3 années, donc la pénalité, c'est la moitié du salaire, si on veut, sur 6 ans. Mais là, je suis pas assez certain, là, je veux pas dire personne en erreur. Là. Ouais. On partira pas sur la discussion. Ouais, donc, à l'avant, les autres interrogations, on peut les trouver... Ben, écoute, sans être une interrogation, parce que c'est sûr qu'on va le garder, là, mais il va rentrer dans le calcul quand même là, de Scott Gomez, c'est André Costitin, qui faisait 3,25 cette saison, qui a connu une bonne saison quand même. Là. Des bonnes séries. Des bonnes séries. Il va sûrement demander au moins la même chose, et éventuellement, là, probablement même une légère augmentation. On a Max Pacioretty qui était encore sur le maximum du contrat recru, là, ce qu'on appelle les autres de entry level à 910 000. Donc lui, on peut s'attendre au moins à 1 million, 1 million 2. Ryan White, lui, ça va demeurer sensiblement la même chose, j'imagine. David Desharnais va sûrement augmenter de salaire. Puis là, il te reste Mathieu Darche et Jeff Halpern. Là, les deux joueurs de soutien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je pense que Jeff Halpern, ça va être la même... Il va lui arriver la même chose qu'à Dominic Moore l'an dernier, c'est-à-dire qu'il va plier bagage là, malgré les bons services qu'il a fait. Parce que on avait été surpris de voir Moore partir l'an dernier. Il a été remplacé par Halpern, mais je pense qu'il va arriver la même chose cette année. On va peut-être essayer de retrouver un joueur là, avec le salaire, sensiblement pareil à celui d'Halpern, qui était de 600 000 $. Et puis bon, bien Mathieu Darche qui tombe sans joueur autonome sans restriction, qui gagnait 500 000. Qui va essayer de monnayer sa belle saison cette année, étant donné que c'est sûr que tu regardes Scott Gomez qui a gagné 8 millions pour 6 ou 7 buts. je comprends qu'il ne pourrait pas aller chercher ça. Là. On est réaliste quand même. Là. Mais je pense qu'il va avoir, son agent va quand même avoir un bon argument à poche là, quand il va venir le temps de négocier avec Pierre Gauthier. Définitivement. Et là, je pense que du côté de Dash, On serait un peu stupide de ne pas le faire. Je sais qu'on peut dire, ben gars, Montréal sont la première équipe à me donner une réelle chance, mais des opportunités comme ça, d'être agent libre après une si bonne saison, peut-être d'obtenir un contrat de 2-3 ans ailleurs, c'est de quoi qu'il doit regarder là, du côté de Darche. Exact, parce que là, il est rendu à 33 ans, le prochain contrat, là, cette année, il a signé, c'est-à-dire avant le début de la saison, il a signé son premier contrat one way, c'était la première fois de sa carrière. Donc là, ça va probablement être son dernier contrat parce qu'il est rendu à 33 ans. Un joueur qui joue un style de jeu comme Mathieu Darche, les carrières, là, c'est très rare que ça se rende à 38-39 ans. Là. Puis même de toute façon, un joueur de hockey en temps normal à 36-37, c'est terminé. Donc j'ai l'impression que ça pourrait être son dernier contrat, fait que ça serait le temps pour lui de passer à la banque là, avant que sa carrière se termine. C'est bon, donc on sait ce qui s'en vient pour le Canadien, c'est-à-dire quand même plusieurs changements, plusieurs trous à patcher. On a de l'espace un peu au niveau du cap si on regarde tout dépendant. Moi, je suis pas sûr que... Là, on est à 25 millions, c'est-à-dire on a un trou, là, il nous reste 25,3 millions sur le plafond salarial et il y a 18 gars à signer sans restriction ou avec restriction. Donc, ça va être un beau casse-tête pour Pierre Gauthier. Tough comment, Josh Georges? Ben, excuse-moi, j'ai pas entendu. Combien t'offrirais à Josh Georges? Ben, écoute, là, il faisait 1,1 million. Moi, je pense que c'est pas loin du 2. Là. Puis même peut-être un peu plus. Là, il y a des bonnes années de service derrière lui. Puis, écoute, c'est un défenseur. Quoi, on peut le mettre dans quelle position? Le troisième défenseur pour l'équipe. Donc, c'est ça, un 2. Là, on regarde Al Gill, 2,5. Brent Sopel, 2,3. Ouais. Fait que ça va jouer dans ces eaux-là, j'ai bien l'impression. C'est bon. Jonathan, on va lâcher le Canadien, parce que les séries, ben c'est pas terminé encore. Hein? Il reste encore quelques séries. Ça a commencé hier, la victoire de Vancouver 1-0 contre les Prédateurs de Nashville. Rien de simple, hein, mais on réussit à l'emporter. Chris Higgins, un ancien du Canadien qui donne la victoire aux Canucks. Tu vois ça comment, cette deuxième ronde-là? Ben en fait, moi j'ai est-ce qu'on parle de production ou Ouais, production et une par une, non? On a du temps devant nous autres. Ben écoute, moi je vais y aller. Si on prend la série justement qui s'est amorcée hier, moi je favorise les Canucks et je vais y aller avec les Canucks en 5 cette fois-ci. Je pense qu'ils ont eu suffisamment peur en première ronde pour mettre les balles au plancher, là, au moins dans cette série-là, là, puis s'arranger justement pour pas se faire jouer le même tour. Hey, écoute, ça a été une série époustouflante. Oh, je pense que Alain Vigneault Alain Vigneault et Roberto Luongo ont joué leur carrière, j'ai bien l'impression. En tout cas, leur réputation, ça c'est sûr. Là, Une chose est claire, il n'y a plus de batterie dans le pacemaker d'Alain Vigneault. Non, c'est ça. Ça, puis, c'est officiel. Je pense qu'il peut donner un gros merci à Alex Burrows là, pour la poursuite de sa carrière derrière le banc des Canucks pour encore quelques saisons, parce que un revirement comme celui-là, là, ça aurait signifié la fin pour Alain Vigneault à Vancouver, qui serait peut-être, qui s'est retrouvé à Ottawa l'an prochain. Je pense que c'était entre lui et Claude Julien, mais là, les deux ont remporté leur série. Fait que je pense que les Sénateurs vont devoir se tourner vers un autre candidat. On s'en est tiré là, du côté des deux. Les deux ont eu chaud et ça s'est terminé en prolongation dans les deux cas. Là, fait que, je pense que si Claude Julien, tu parles du pacemaker d'Alain Vigneault, mais je pense que si Claude Julien avait eu plus de cheveux, ils auraient tout perdu. Bon, si on passe à l'autre série dans l'Ouest. Mais ben attends, on va faire nos prédictions nous aussi en studio. Okay, là. Je pensais que vous les aviez déjà faites. Mais non, mais non. Sur le groupe, là. Ça a commencé hier, de toute façon. Ouais, donc, en effet, j'ai l'impression que Vancouver va l'emporter, mais je pense que ça va être en 6. Pekarinne, qui est un des meilleurs gardiens présentement en séries éliminatoires, et même dans la saison, pas pour rien, qui est candidat au Vezina, va au moins voler un, sinon deux matchs. Donc, en 6 pour Vancouver. Ouais, je pense que Vancouver va l'emporter aussi. Par contre, j'ai pas été convaincu que les Canucks hier étaient une meilleure équipe que Nashville. Un but un peu bizarre des Higgins, là, et un blanchissage de Luongo, oui, là, mais une très belle performance aussi de Rene de l'autre côté. J'irai Vancouver en 6 ou en 7. Là, je vais y aller en 6. On va devoir trouver un moyen de compter là, du côté de Vancouver, parce que regarde, les derniers matchs contre les... Si on regarde les 4 derniers matchs de la série contre les Blackhawks, on n'a à peu près pas de but là, pour les deux équipes, pour les Canucks. Donc, ça explique les problèmes. C'est la source des problèmes du côté des gens de la Colombie-Britannique. Ouais, ça veut dire que Dave Bourdin a fait tout un travail aussi contre les fans Sedin. J'imagine qu'il va y avoir un autre individu qui va avoir la tâche d'utiliser ces deux gars-là là, pour les prédateurs. Pas mal sûr qu'on a fait du vidéo du côté de Nashville, puis on va essayer d'émuler là, exactement ce que Bolin faisait contre les Sedin. Deuxième série, Washington-Tampa Bay. Tampa Bay qui a renversé les Penguins de Pittsburgh avec une victoire excitante de 1-0 là, lors du 7e match. Quel duel offensif là, dans cette série-là? Ouais, ben moi, écoute, Tampa Bay, c'est une des deux séries que j'ai perdues dans la première ronde. L'autre étant les Capitals contre les Rangers. Donc les deux équipes que j'avais mis perdantes se rencontrent dans cette ronde-là. Et cette fois-ci, je vais mettre mes billes du côté de Tampa Bay. J'ai bien l'impression que ça va être une guerre de buts, une série offensive, comme tu l'as dit, parce que dans les filets de part et d'autre, c'est pas très vergeux, alors que on a quand même des offensives assez créatives, tant du côté des Capitals que du côté du Lightning. Donc, ça sera de voir est-ce que la fougue des Semin, Ovechkin et compagnie va être meilleure que celle de Le Cavalier, Saint-Louis et Stamkos. Et la raison pour laquelle moi je favorise le Lightning, c'est l'expérience et l'espèce d'instinct de guerrier de Martin Saint-Louis et de Vincent Lecavalier qui ont déjà remporté la Coupe et qui ont beaucoup souffert lors de cette conquête-là. Donc, ils savent ce que ça prend pour remporter le précieux trophée. De mon côté, hey, j'étais en train de regarder les séries éliminatoires. Je suis 6-8, c'est pas super. Hein? Non, pas vrai, 5-8. Je sais pas toi, Marc-Antoine, ce que ça donnait pour tes séries. Là. De même, je crois que j'ai juste pas eu Canadien. J'ai pas eu non plus les Blackhawks. Et j'ai C'était ton long shot. Ouais, c'était mon long shot. Et j'avais mis les Rangers aussi. Ah, OK. Donc, moi, c'était... Sinon... J'avais choisi Anaheim. J'avais choisi le Canadien. Et j'avais choisi les Kings de Los Angeles. Donc, c'est ce qui n'a pas fonctionné de mon côté. Dans cette série-là, comme tu dis, écoute, je peux pas être plus d'accord que toi, Jonathan, là-dessus. Ça va jouer selon les forces offensives. Par contre, tu trouves pas que Dwayne Rolarsson n'est pas un mauvais gardien de but présentement. Oui, il se fait vieux, mais il a l'expérience d'une finale de la Coupe Stanley. Tampa Bay a une excellente équipe, très inspirante, mais j'aime la façon que Washington joue défensivement. J'aime la façon qu'il l'a emporté sans problème contre les Rangers de New York. C'est pour ça que je vais choisir Washington, mais en 6 matchs. Je sais pas, toi, Marc-Antoine? Moi, j'irai avec Washington aussi pour la fougue de Ovechkin et Semin et tout ça. Là. Tampa Bay a une bonne équipe offensive aussi, mais je crois que Washington va sortir avec la victoire en 7, par contre. En 7, donc ouais. Une série assez serrée. Une série longue, oui. Détroit-San Jose, est-ce que l'expérience des vieux loups de Détroit va l'emporter contre Joe Thornton et qui tente toujours de prouver quelque chose en série? Ben écoute, on dit ça à chaque année, pratiquement, à chaque printemps, mais là, j'étais un peu tanné, fait que je pense que ça va être les Sharks en 7. Mais j'ai pas de raison précise. Je pense simplement que, au même que les Luongo, Vigneault, tantôt on parlait, là, qui ont joué leur réputation, je pense que, encore une fois, on le répète souvent, là, Joe Thornton, et je pense que c'est le temps là, de montrer, là, c'est le temps de se lever et de montrer qu'il est vraiment un leader pour cette équipe-là, puis que c'est le T'sais, on a mis du côté des Sharks, là, on a misé beaucoup sur lui il y a quelques années en espérant que c'était le gars qui allait nous mener aux grands honneurs, ou en tout cas un des gars qui allait nous mener aux grands honneurs. Et puis c'est pas encore arrivé. J'ai l'impression qu'en tout cas, là, c'est pas encore dû cette année, mais j'irais pour les Sharks là, en 7 matchs, une série longue là, de ce côté-là. Et de mon côté, je vais avec Détroit. Je vais avec les vieux loups, tout simplement parce que Gas a été sans question, sans interrogation là, contre Phoenix. Ouais. C'est une équipe qui est expérimentée. C'est une équipe qui vont profiter des failles dans les buts du côté de San Jose. Je vois Détroit l'emporter en 6. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nicolas. On a l'expérience du côté de Détroit. Année après année, on réussit quand même à avancer. En série, oui, on finit souvent, dernières années, on a gagné la Coupe Stanley, il y a quoi, 2 ans? Détroit? Ouais, Détroit, c'est 2-3 ans. Ça fait quelques années, il y a 3 ans exactement. Juste avant les Pingouins. Ouais, les Pingouins. Du côté des Sharks, dans les buts, c'est un peu chancelant. Fait que je vais y aller moi aussi avec les Détroit en 7. Et en terminant, là, Jonathan, donc je veux savoir ton opinion sur le mariage du prince William et de Kate Middleton. Combien d'années ça va durer? Écoute, je sais pas là. Je suis content qu'on découvre un scandale, probablement. Là, étant donné que c'était un peu la réplique de Lady Di, là, mais c'est quand même une fille du peuple. Fait que j'ai l'impression que la famille royale va tenter de fouiller là, le passé de Mme Middleton et de sortir le squelette du placard. Et à ce moment-là, ce sera la fin. Et plus sérieusement, tu l'as dit vraiment de façon dramatique, ce sera la fin. Mais non, on va tout cacher ça, on va cacher ça en tout du tapis, puis ça va être correct. Tout le monde est heureux, ça a coûté juste 35 millions, ce mariage-là. Mais plus sérieusement, Boston-Philadelphie, là, une série qui devrait... On va jouer du coude, on va jouer des épaules. Face à ça, face à ce qui s'est passé, Boston en première ronde, Philadelphie qui a eu aussi assez peur, merci. On va arriver assez prudent là, pour les deux équipes en deuxième ronde. Tu vois ça comment, toi? Moi, je souhaite une revanche des Bruins sur les Flyers, étant donné la série, la remontée des Flyers l'an dernier. Je pense que les Bruins vont l'emporter. La bête noire de Tim Thomas, c'est le Canadien. Nous, on connaît Tim Thomas, le Tim Thomas chancelant, justement, parce qu'on a une habitude de voir contre le Canadien, mais contre des autres formations de la Ligue, il est toujours au sommet de son art. Et j'ai l'impression que c'est là que ça va se jouer, ça va se jouer devant le filet. À Philadelphie, on a encore des problèmes. Je sais pas, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu une équipe employer 3 gardiens dans une série. Je sais pas si c'était déjà arrivé. Pour ce qui est du reste des deux formations, j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup. Beaucoup de robustesse, quoique du côté des Flyers, peut-être que les trois premiers trios sont peut-être mieux nantis que ceux des Bruins. Mais c'est ça, j'ai l'impression que Tim Thomas va faire la différence dans cette série-là. Il va nous montrer pourquoi il est un candidat au Trophée Vézina encore une fois cette année. Je suis totalement d'accord avec toi, Jonathan. Tim Thomas, même, je trouve qu'il y a une série correcte contre le Canadien. Ouais. Bon, quelques mauvaises performances en début, mais c'est définitivement repris ensuite. Il n'y avait pas grand-chose à se blâmer. Là. Les buts étaient pas, c'était pas des mauvais buts, des choses comme ça. Ça va se décider dans les filets et c'est pourquoi j'y vais moi aussi là, avec une victoire de Boston. Je vais dire en 7 matchs. J'ai l'impression quand même que ça va être serré, mais probablement qu'on va... C'est le gardien à 3 têtes des Flyers de Philadelphie va s'écrouler dans au moins 2-3 parties. Moi, pas être partisan du Canadien, Boston serait une équipe que j'aimerais bien quand même, surtout avec l'éclos de Marchand qui a connu une bonne première série contre le Canadien. Aussi dans les buts, Tim Thomas, malgré qu'il a un style assez acrobate et cirque du soleil, fait du très bon travail. Et à Philadelphie, c'est ça, trois gardiens. On sait jamais quel qui va être devant le filet. Ils sont à peu près tous chancelants. Donc, j'irai avec Boston, moi aussi, en 6, par contre. En 6. Donc, c'est bon, nos prédictions sont là. Malheureusement, on pourra plus en parler. On pourra plus en discuter. Écoute, tu me parles d'un gardien en trois têtes. Là, c'est vraiment la définition d'un Cerbère. C'est bien ça, je pense, dans la mythologie. Ouais, c'est vrai. Donc, les Flyers ont le seul Cerbère. La Ligue nationale. Va falloir expliquer ça à tous ceux qui utilisent le thème. Là. On demandera à des caricaturistes de faire des photos là, avec les trois. Pas des photos, mais des dessins avec les trois. Puis on mettra ça en une du journal du côté du Philadelphia Newspaper. Inquirer, exactement. Ben Jonathan, ça je disais, on ne pourra plus en parler malheureusement de nos prédictions. C'est la dernière de l'inconduite de partie ce matin pour le restant de l'éternité, probablement. Donc, je te remercie beaucoup de t'être joint avec nous cette année. C'était un plaisir de discuter avec toi de hockey et d'avoir éclairé les Trois-Rivières sur ce qui se déroule dans le monde de la Ligue nationale. Ben, le plaisir était pour moi et je vous souhaite une bonne et heureuse carrière dans le milieu des médias. Ben, merci beaucoup. Pis, merci. De toute façon, on devrait se recroiser assez vite. Merci, toi puis moi. Oui, nous, on devrait se recroiser assez vite, mais encore, même avec Marc-Antoine, là, le milieu des médias, c'est tellement un milieu restreint que je suis pas inquiet qu'on va peut-être voir nos routes se croiser à nouveau. Je l'espère bien. Dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Eh bien, hâte de voir ça. Merci. Merci. Allô? Ouais. Ah, oui. Ouais. Ah, oui. Merci beaucoup, Jonathan. OK, bye-bye. Salut, bonne fin de semaine. C'était Jonathan Bernier du Journal de Montréal. On s'en va maintenant une pause au retour. On parle de... RDS 2? Oui. Vous avez bien entendu? On en parle, on vous explique c'est quoi après la pause. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Vous voulez nous rejoindre en studio live à commercial inconduitedepartie.com, notre site web inconduitedepartie.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. J'ai enlevé un patin en plein match pour frapper un adversaire. Je suis le seul à l'avoir fait ça. L'inconduite de partie. We'll be right back. Patrick et les Brutes avec la chanson chez Candy. On continue à parler de sport, bien sûr. On y va avec une petite nouvelle qui est sortie hier sur Rue Frontenac. Ça s'est fait en deux vagues, là, un peu, cette nouvelle-là. C'est tout d'abord Martin Leclerc qui est arrivé avec la première nouvelle. Comme quoi, il y avait de gros investissements qui se faisaient dans les locaux de RDS à Montréal on investirait présentement sur un deuxième étage. Ou au premier étage, je ne sais pas où est-ce qu'on construit exactement dans le building, pour rénover les studios. Parce que ceux qui... Bon, on sait comment sont faits les studios RDS. C'est petit quand on compare avec celui de TSN qui, ma foi, pourrait servir de rangement pour un troupeau d'éléphants. Pour Sarah et Toutoune à RDS. Oui, c'est ça, gars. Oui, Sarah et Toutoune à RDS. Il y a de la place. Donc, on parle d'arriver avec un studio comme ça. Parfait, génial. Mais on parle de plus en plus que ces investissements-là ne se feraient pas seulement pour ça. Ça se ferait aussi pour arriver avec un RDS 2. C'est-à-dire qu'on aurait une nouvelle chaîne sportive au Québec. Et ça fait longtemps que ça se parle au Québec, là, une nouvelle chaîne sportive. TVA Sport avait déposé une licence. Radio-Canada aussi. Radio-Canada a déposé une licence. Donc, c'était accepté. Par contre, du côté de TVA, ben on se garde une gêne parce que tant que les Nordiques sont pas là, c'est difficile d'ouvrir une deuxième télévision. Parce qu'avec RDS, qu'est-ce qui leur aide? C'est le Canadien. Il y a le Canadien est une très grosse locomotive pour RDS. Qu'on parlait de les gens qui écoutent le code d'écoute, quand un match canadien passe, de 60 000 à 110 000 personnes pour les bulletins Sport 30. Donc, ouais, c'est ça. On voit. C'est en double. Le Canadien est définitivement la locomotive de RDS. Puis c'est parfait, c'est correct. Ben c'est à ça que ça sert, au prix que coûtent les droits de diffusion du Canadien. C'est très normal qu'on en retire des profits. Donc, c'est ça, on parle des gars en séries éliminatoires. Et pour RDS, c'est triste. Vraiment que le Canadien n'ait pas atteint la deuxième ronde. Il n'y a personne qui est plus triste, mis à part les joueurs du Canadien, que le club n'accède pas à la deuxième ronde, que Jerry Frappier, qui est le président chez RDS, parce que c'est des revenus de millions et millions. Ça se compte en millions, les revenus en série, au niveau de la publicité. Donc, on ouvrirait un RDS 2 qui serait un peu selon... On est encore dans le monde de la rumeur, là, bien sûr, qui serait à l'image de ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Dans le fond, la chaîne RDS deviendrait un peu comme la chaîne ESPN, où est-ce qu'on a ESPN, qui est la chaîne principale des gros événements. ESPN 2, qui est pour tout ce qui est un petit peu plus extrême. On y retrouvait beaucoup la boxe, le poker, ouais. Le hockey se déroulait étrangement à ESPN 2. Bon, des compétitions comme ça, mettons, pour revenir, les X-Games se dérouleraient à ESPN, ouais. À RDS 2. C'est ça, okay? Ça serait bien. On pourrait peut-être mettre plus de place pour... On en parlait souvent qu'RDS mettait trop de place pour billard, poker, d'art et toutes ces choses-là qu'on se demande si ça a une place sur le réseau des sports. On pourrait avoir plus de place pour le junior majeur, plus de place pour RDS, étant donné que c'est la seule... Le seul réseau francophone de l'association, je sais pas comment on l'appelle, l'association avec ESPN, TSN, RDS. Et... Ouais, ben un conglomérat là, ouais, un peu ça. Là, c'est-à-dire. C'est le seul réseau francophone, il pourrait faire sa part en parlant de plus qu'est-ce qui se déroule au Québec, en parlant de la ligne junior majeure du Québec, tout ce qui est hockey junior ici. C'est ça, et on continuerait ESPN News, qui serait le RIS, à la québécoise. La différence entre ESPN et RDS, c'est au niveau des moyens de production. Tu te dis, t'en parles, on aurait plus de place pour hockey junior majeur, pour ci, pour ça, mais encore là, on se doit de les produire, ces événements-là. Sinon, si on continue à acheter, tout simplement acheter des reportages américains, il y a quelques fois que ça va plafonner. Il y a des jours, disons-le, l'été, où est-ce que, particulièrement l'été, là, où est-ce qu'on a de la misère à remplir nos cases horaires. Donc, si on a RDS2, en plus de RIS, on va devoir... Moi, je voyais très bien un hybride, un petit peu des deux. Un style RIS, beaucoup de nouvelles, mais émissions entre les deux. Ouais. Ça semble pas être le cas. On irait vraiment qu'à RDS2. Ce qui est pas mauvais, là, parce que là, présentement, en séries éliminatoires, on fait jouer les matchs à RIS. Ouais. Là, certains matchs, mais gars, il y a plusieurs matchs qui sont en même temps. Il y a du baseball, il y a du... J'ai l'impression que si on fait ça du côté d'RIS, le but premier, là... d'amener une nouvelle chaîne comme ça. Et en passant, là, au niveau du type de chaîne que ce serait une chaîne qui n'est pas obligatoire d'avoir. Ouais. C'est-à-dire qui est dans un package deal au même titre que Sportsnet, au même titre que The Score. Bon, on doit ajouter la chaîne à notre combo câblé qu'on va retrouver les RDS, TSN, pour ceux qui sont à Trois-Rivières, Cogeco, les chaînes 1 à 42 environ. Là. Ouais. Même Évasion, Canal Z, Historia ne sont pas là-dedans. Bon, ce qu'on veut faire, j'ai l'impression, c'est se protéger. Okay? C'est-à-dire que RDS, en ayant RDS 2, là, t'occupes tout le marché pan-québécois, ouais, là, de la télévision, et même va chercher un peu du Nouveau-Brunswick, va chercher un petit peu de l'Ontario. On occupe tout le marché, on signe des ententes avec les ligues majeures de baseball. On a signé avec la Coupe du monde de soccer récemment aussi. La Coupe du monde, l'Impact, tout ça. Ouais. Ce qui fait que si un adversaire, SRC Sport, TVA Sport, ouais, se rajoute, il leur reste absolument rien à acheter. Il reste plus. Donc, rendu là, si tu n'as plus rien à acheter, comment tu fais pour ouvrir une chaîne, mis à part si les Nordiques reviennent? TVA Sport va pouvoir essayer d'en faire une locomotive au même titre que le Canadien et la locomotive de RDS, mais on va devoir être très ingénieux au niveau de notre programmation. On va peut-être devoir y aller avec des documentaires, y aller avec, tu sais, c'est Sportsnet, The Score plutôt, si je me trompe pas, Sportsnet, les deux, peu importe, diffuse des films de sport. Ouais. Donc, un Happy Gilmore en plein milieu d'un mardi après-midi, c'est une possibilité. C'est bien aussi, c'est ça, ce truc-là. J'espère aussi qu'avec l'avenue d'une deuxième chaîne RDS, qu'on n'ira pas avec une partisanerie comme qu'on peut entrevoir chez RDS envers le Canadien, qu'on va y aller avec un poste qui est plus impartial au niveau des matchs. Là, on voit, j'ai regardé, on présente tous les matchs pour sur RDS ou RIS pour les séries éliminatoires qui restent. On pourrait faire de ce genre-là sur la deuxième chaîne et garder une chaîne un peu comme qu'on voit Partisan canadien, là, comme qu'on voit, on regarde juste les Sport 30, c'est une demi-heure, ça prend 15 minutes, on parle du Canadien, et 15 minutes, on parle de tous les autres sujets. C'est ça qui serait dommage qu'on voit la même chose sur RDS 2, si jamais il y a. Ben, souvent, parce que produire un bulletin de nouvelles, c'est probablement la plus grosse dépense, mis à part les productions de matchs. Ouais. Du côté d'RDS, moi, j'ai rien contre le fait que ça soit le même bulletin de nouvelles. C'est comme ça à TSN aussi que ça se déroule. Déjà qu'on en produit un autre pour RIS, ouais, souvent, on va aussi se retrouver bon, à RDS. C'est correct. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que TSN fait, par contre, TSN 2 va avoir le Morning Rush, qu'on va appeler, qui va être 15 minutes. C'est un bulletin de 15 minutes. Tout ce que tu as besoin de savoir. Pas de fla-fla, pas rien. Bang tes nouvelles à coup de 15 minutes. Des manchettes, là. Des manchettes. Okay. C'est bang, bang, bang, un après l'autre. Pas de fla-fla, rien, puis t'as ton butin principal à TSN. Moi, ça me dérange absolument pas. Tu parlais de partisanerie, Marc-Antoine. C'est en effet, j'ai l'impression, difficile pour RDS de ne pas être partisan du Canadien. Bell, qui est propriétaire du Canadien, est aussi propriétaire de RDS. Donc, ça rend tout difficile à faire. On parle aussi, ESPN, qui est propriété de Disney, ABC, la chaîne ABC aux États-Unis, est aussi propriétaire de Disney. Donc, rendu là, ce qui arrive souvent, c'est qu'il va y avoir des productions de ESPN, par exemple le NASCAR, on va appeler ça ESPN on ABC, et la course de NASCAR est sur les ondes de ABC au lieu des ondes de ESPN. TSN, CTV, mangent dans la même main, c'est Bell Globe Media. RDS est le seul poste de ces trois réseaux-là, ESPN, TSN, à ne pas avoir de chaîne généraliste. Et on parlerait, selon les rumeurs, que V intéresserait de plus en plus Bell Globe Media. On irait chercher notre chaîne généraliste avec ça. D'ailleurs, les frères Émillard, je pense pas qu'ils sont totalement à cave là, dans leur achat là, d'avoir été chercher V parce que il y a une bonne valeur de revente là-dessus. Et on servirait un peu de ça pour aller diffuser, bon, après ça, les Olympiques, qui étaient déjà à V. Mais là, que ça ferait officiellement partie du conglomérat. Le Canadien, bon, je ne sais pas, le Super Bowl. Super Bowl, au lieu d'être RDS, ou en étant et à RDS, serait aussi survé. Donc, on irait chercher les gens qui n'ont pas RDS, on irait chercher ce surplus-là de commandite et de spectateurs, qui serait une bonne chose. C'est connu là, au Québec, là, la guerre est assez féroce, merci, entre les différentes chaînes, entre les différents conglomérats, c'est-à-dire Québécois d'un bord qui tire son côté, Rogers qui tire aussi de son côté, Bell qui tire de son côté. ça va être une guerre très forte entre ces trois gros marchés-là. Et en bout de ligne, écoute, s'il y a une, deux chaînes de sport qui se rajoutent dans le paysage québécois, c'est le spectateur qui s'en sort gagnant. Oui, et les finissants en communication. Et les finissants en communication, exactement, Marc-Antoine. Bien sûr, c'est notre cas à nous. Là. Ouais, ben, pas à moi, là, mais. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'ai fini. Toi, il t'en reste encore pour deux ans environ. Donc, lâche pas, hein. Lâche pas, tu vas voir. Tu me donnes une petite tape dans le dos. Une petite tape dans le dos, on t'encourage. Hey, on va aller en musique, tu parles de finissant. Il y en a qui ont fini, on finit ce matin, d'autres finissent après-midi. La chose qu'ils vont se dire, c'est « Gars, veux-tu bien me foutre la Sainte-Paix? Hein? » Fait que pourquoi pas aller écouter ça? La Sainte-Paix, des Cowboys fringants, petite chanson, là, le fun à matin. Et ensuite, on discute de... UFC? Ouais. UFC. En direct de Toronto cette fin de semaine. Donc, la Sainte-Paix, les Cowboys fringants, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! On est sans tutu, les chefs d'État s'énervent le poil. La marque des poignets partout, ça part rien que de sous nouvelles. C'est long de constater qu'il n'y a pas eu d'évolution. On soit prêt à s'entretuer comme des hommes de Cro-Magnon. Mais chez nous, au Québec, il n'y a pas de guerre depuis des siècles. On n'aime pas ça se faire tuer, me semble que c'est pas compliqué. On a peut-être bien des défauts, mais on n'est pas des crackpots. On n'aime pas les chars d'assaut, pas plus que le bruit des bottes. Allons résistons, mes frères, à la connerie des militaires. Dans notre village d'Astérix, on a de l'Amérique. Les années, on a toujours été pognés dans des conflits militaires qui ne nous concernaient guère. À l'époque, c'est nos grands-pères qui ont subi la conscription et qui ont traversé la mer pour servir de chair à canon. Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, ils feront pas de moi un tueur pour le compte d'une patrie. J'aime mieux devenir déserteur. J'ai jamais une mitraillette, puis je fais jamais de push-ups en boîte dans le fond d'une caserne des forces armées canadiennes. Allons, résistons, mes frères, à la connerie des militaires dans le village d'Astérix. Tranquille, qui n'a jamais vu de missile. Et c'est du temps qu'on se battait, c'était à coups de mousquet. S'ils veulent jouer au G.I. Joe avec des bonhommes vivants, moi je laisse faire les idiots et puis je sors mon drapeau blanc. Rien à foutre de l'armada et de la folie des chefs d'État. La guerre cesse pour les effets, moi ce que je veux c'est la Sainte-Paix. Allons résistons mes frères à la connerie des militaires, en chantant une colombe loin du sifflement des bombes. Et au nord de l'Amérique, devant notre village d'Astérix, ça sera marqué en français, ici. Sacrez-nous dans la paix. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out Bell Center in Montreal, Quebec, Canada, and now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist, holding professional record, 20 wins, 2 losses, standing 5 feet 11 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC welterweight champion of the world, George Rush. Bruce Buffer, quelle présentation, quel show! Je sais pas si tu connais, pour ceux qui sont pas courants, Bruce Buffer est bien et bien le frère de Michael Buffer qu'on connaît sur le Let's Get Ready to Rumble! C'est son frère. Oh! OK, donc, à l'origine... Il n'y a rien à y envier, là. Ah non, non, non, mais à l'origine, lorsque Bruce a commencé, Bruce était l'agent de son frère. OK. Bookait les combats, ben, les présentations, bookait les... tout ça. Et, comme loisir, a commencé à faire UFC. À l'époque, que UFC était beaucoup plus petit comme événement. Ouh, ça a l'air que son salaire a dû augmenter dans les dernières années parce que c'est difficile de battre UFC. Et d'ailleurs, cette fin de semaine, en direct du Rogers Center là, à Toronto, on va avoir droit au plus gros combat qu'on a jamais eu, au plus gros événement UFC qu'on a jamais eu à travers la planète. On attend entre 55 et 60 000 personnes au Sky Dome. Là, tout le monde connaît bien le Sky Dome. Donc, le Rogers Center là, de Toronto, l'endroit où jouent les Blue Jays, ça va être assez gros. Merci. En plus, que t'as un méga écran en plein milieu Ça va être en comparaison un peu, pour ceux qui connaissent le monde de la lutte, ce qu'on peut voir du côté de WrestleMania à toutes les années, ça va être gigantesque. Et la tête d'affiche, ben on se devait, pour faire un combat, un événement de la sorte, d'avoir Georges St-Pierre sur la carte. Il affrontera Jake Shields. Jake Shields qui a une bonne fiche dernièrement, qui a pas beaucoup perdu de combat. Il est avec 15 victoires de suite. J'ai vu ça tantôt, là. Ouais, c'est ça, 15 victoires de suite. 15 victoires de suite. On a, après ça, une défaite et on a une autre série de 5 victoires. Donc, c'est pas un combattant à négliger du côté de Georges St-Pierre. C'est pas un combattant à négliger, mais les experts le disent tous, il est pas dans la ligue de Georges St-Pierre. Georges St-Pierre, c'est quelqu'un qui est en haut de tout le monde présentement, à part... Il n'y a pas grand monde qui sont dans la ligue de Georges St-Pierre. Exactement. Présentement. Ça, c'est très vrai. La différence, par contre, que je dirais, c'est, bon... À part si c'est... écoute, c'est du combat ultime, hein? Un coup de poing mal placé, un mauvais move, une mauvaise position, et on se fait surprendre et c'est terminé. On l'avait vu dans son combat contre Matt Serra, St-Pierre, qui n'était pas nécessairement préparé, un petit peu trop confiant. Boum, le coup de poing, sa marboulette, perd son championnat, perd sa ceinture, l'a repris depuis et est un homme en mission. Ouais, mais c'est ça, l'avantage de St-Pierre, c'est que c'est on voit un homme réfléchi, un homme qui posera pas des gestes pour rien, va y aller seulement s'il est sûr et certain de son lancer, de son élan. Un beau style au sol avec Jiu-Jitsu, mais c'est le même style aussi que Jake Shields. C'est deux combattants avec sensiblement le même style. Du côté de Shields, on a un avantage au niveau de la grandeur. On a 6 pieds. Du côté de Georges St-Pierre, on a 5 pieds et 10. Le poids, sensiblement la même chose. Pas vraiment le choix d'avoir à peu près la même chose. Hein? Ouais. La différence va être au niveau du combat debout. En boxe, la boxe de St-Pierre est de loin supérieure à celle de Jake Shields. Ce qui fait que plusieurs vont dire que du côté de St-Pierre, on va tout faire pour ne pas aller au sol. Tu parlais de Jiu-Jitsu brésilien. Ouais. Celui de Shields est excellent. La seule chose, c'est que pour... utiliser le jiu-jitsu brésilien, faut mettre St-Pierre par terre et faut le garder au sol. On a vu ce qui s'est déroulé lors du dernier combat de St-Pierre contre Josh Koscheck, celui qu'on a pu entendre. Bon, c'était la présentation de ce combat au Centre Bell qu'on a entendu avant le début de la chronique. Un lutteur avec une reconnaissance nationale, Josh Koscheck a été champion de lutte aux États-Unis et dans la NCAA. Et se fait ramasser comme ça. Il était complètement détrôné. Détrôné par Georges St-Pierre qui l'a mis dans sa petite poche arrière. C'est extrêmement difficile d'amener St-Pierre au sol et c'est extrêmement difficile de garder St-Pierre au sol. Ouais. Donc j'ai bien l'impression que oui, Shields, son jiu-jitsu brésilien est excellent, mais ne pourra pas être utilisé contre St-Pierre qui risque de lui donner une bonne mornif debout avec ses pieds, avec ses mains. Donc je vois St-Pierre. On essaie de nous vendre le combat là, du côté du UFC. Ouais. St-Pierre qui dit bon. C'est un très bon combattant, je le considère comme un champion, patati patata. Ça, c'est son côté gentleman qui ressort. C'est côté gentleman, c'est côté vendeur de George. On a seulement eu trois TKO qu'on appelle dans le milieu. Ouais. Du côté de Shields, du côté de St-Pierre, 8 TKO, c'est St-Pierre gagne autant de combats en TKO qu'en décision. Okay. Du côté de Shields, on gagne plus de combats en soumission avec 10 soumissions. C'est la seule porte de sortie pour Shields. Ce serait une victoire au sol. Autre combat, là, Jose Aldo va affronter Mark Omenick là, sur cette carte-là. Et ça sera pas un combat facile pour Omenick. On dit que... Je lisais bon Patrick Côté qui parlait de ça puis qui disait que Omenick était le meilleur boxeur livre pour livre en arts martiaux mix. C'est difficile à dire ça là, parce que c'est parce que tu le compares à Anderson Silva par Georges St-Pierre. Bon, c'est son style debout qui est au sol un peu moins, mais Mark Omenick, son style debout. Aussi, ses jambes, il se lance souvent des coups de pied, va souvent aller chercher le visage avec ses pieds. C'est ça qui est dangereux du côté de Omenick. Grandes jambes aussi, donc c'est ça. Oui, ben c'est ça. Et du côté de Omenick, ça sera pas très très facile, mais on semble être confiant. Hier, je regardais la conférence de presse, on semblait être confiant. Donc, ça va être l'autre gros combat. Et on était déjà un petit peu là, du côté de UFC. On a fait beaucoup de confrontations. Un combattant canadien contre un autre combattant. Ouais. Donc, on retrouve là, entre autres, sur cette carte, Mark Bocek, Rory McDonald, Jason McDonald aussi, qui sont canadiens. Ivan Menjivar et Yves Jabouin, entre autres. Là, donc, c'est tous des Canadiens qui vont affronter le troisième combat en importance sur la carte, ou même, je dirais, le deuxième combat, là, Mark Kominick, le combat Mark Kominick, je pense que ça passe troisième. Randy, The Natural Kutcher contre Lyoto Machida. Randy, on parle que ce serait son dernier combat, lui qui a une carrière vénérable au UFC, qui a connu de très beaux moments. Et contre Lyoto Machida, qui, depuis qu'on a, il a un style très peu orthodoxe, depuis qu'on a réussi à comprendre un peu, trouver le mot de passe pour le déjouer, Lyoto est plus du tout le même. Soyez pas étonnés si le vieux Kutcher, écoute, je pense que 48 ans environ, là, l'emporte contre Machida, ça serait, je pense que ça serait le l'issue attendue pour cette, ouais, pour cette décision. Donc, c'est en fin de semaine, c'est sur la télé payante, en direct de Toronto. Je pense que c'est un événement qui vaut la peine d'être commenté. Ça n'a pas manqué, là, si vous pouvez, là, surtout que le Canadien est éliminé, là, pour la plupart des partisans du Canadien. Dépenser un petit 55$ en HD pour ou ça. Aller chercher un tous pour un. Ouais, c'est ça. Ou sinon, dans les restaurants, je suis pas mal sûr que ça va être sur les écrans. Ça va une pause au retour. JP Grenier se joint à nous. On parle du repêchage de la NFL. Il y a Cam Newton qui va signer gros contrat. En sortant de là, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Hey! Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de parti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Une seule série est en action hier dans la Ligue nationale alors que les Canucks de Vancouver recevaient les Prédateurs de Nashville à l'occasion d'un premier match de la série demi-finale dans l'Ouest. Roberto Luongo a tout arrêté, les tirs dirigés vers lui et a aidé son équipe à battre Nashville par la marque de 1-0. Dans la LHJMQ, les Remparts de Québec pourraient éliminer les Olympiques de Gatineau dès ce soir au Colisée Pepsi. Québec a l'avantage 3-1 dans la série et est en train d'en finir le plus tôt possible pour aller rejoindre les Sea Dogs de St. John's en finale. Dans la Ligue américaine maintenant, les Bulldogs d'Hamilton affrontaient les Moose du Manitoba hier à l'occasion du premier match de la deuxième ronde des séries. La partie s'est soldée par un pointage de 4-1 en faveur des Bulldogs qui prennent ainsi l'avantage 1-0 dans la série. Plus tôt dans la journée, Ryan White a été cédé à Hamilton et devrait être d'office pour la rencontre numéro 2 qui aura lieu dimanche. Au football maintenant, c'est Cam Newton qui a été le premier choix du repêchage de la NFL hier. Le corps d'Auburn se joindra donc aux Panthers de la Floride. Le repêchage des rondes 2 et 3 aura lieu ce soir dès 18h. En patinage artistique, le Canadien Patrick Chan a remporté son premier titre mondial hier à Moscou. Le Torontois de 20 ans a établi 3 nouveaux records mondiaux récoltant 187,96 points dans son programme long pour un total de 280,98 points. Ces deux records ont été réalisés moins de 24 heures après qu'il ait établi une nouvelle marque de 93,2 points dans le programme court. Au tennis, Milos Raonic a vaincu le Portugais João Sousa en deux manches de 6-3 au deuxième tour du tournoi d'Estoril. L'Ontarien de 20 ans atteint donc les quarts de finale d'un tournoi sur terre battu pour la première fois depuis qu'il est sur le circuit de l'ATP. Finalement, je vous le rappelle, le Québécois Georges St-Pierre défendra sa ceinture des mi-moyens contre Jake Shields à l'occasion du UFC 129 qui se déroulera à Toronto samedi soir. Pour sa part, Marc Kominick tentera de détrôner le champion des poids plumes, José Aldo. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Et on continue notre émission. On va maintenant parler du repêchage de la NFL. Merci pour les nouvelles, Marc-Antoine. T'es dernière? Oui, dernière pour l'inconduite de partie. Oui, ouais, en effet. Là, on en parlera tantôt là-dessus. Mais très content de te remercier là-dessus parce que ton travail aux nouvelles, je crois que ça a donné une belle petite crédibilité à l'émission là, durant la dernière saison. Donc, beau travail. Il se joint à nous de Sherbrooke, sorti d'hôpital. Ben oui. JP Grenier, ça va bien, JP? Ah, pas pire, ça. Comment va le corps? Ben écoute, j'ai été à l'hôpital malheureusement hier, donc je voulais me joindre à l'émission ce matin en studio. Ouais. Malheureusement, je peux pas conduire là, étant donné que je suis sous intraveineuse, là, donc non, je m'en sors, sauf que ça fait une dure journée hier. Ah, gars, c'est des choses qui arrivent, là, JP, c'est pas plus grave. Et on va accueillir aussi en studio Philippe Doucet. Bonjour, Philippe! Ah, pogne l'autre micro ou pogne l'autre? Ah, bon matin. Bon matin. Philippe, t'as combien de temps, là? 5 minutes. T'as 5 minutes, OK. 5 minutes, à peu près. JP, je te coupe 2 secondes. Pas trop. Salut, JP. Salut. OK. Raccroche pas, là. Non. parce que Philippe, écoute, malheureusement, tu travaillais ce matin, t'étais en formation. Ouais. Ce qui fait que tu pouvais pas te joindre à nous, mais je suis content que t'aies eu le temps d'une petite pause pour venir nous jaser ça. T'aimais ça, ton périple d'un an avec l'inconduite? J'ai adoré mon périple d'un an avec l'inconduite. Ça a bien clôturé. Vous savez, j'en ai parlé souvent de l'émission de Sport Encore que j'avais fait il y a quelques années avec avec Tommy Auger, Renaud Barrière, Alexandre Lavoie. Et puis, ça m'avait tellement plu à l'époque que j'étais vraiment content de revenir dans le bain de la radio puis retourner un peu là, dans ce monde-là à tous les matins aussi de suivre l'actualité sportive. Puis non, j'ai vraiment adoré. Puis en plus, cette année, là avec avec les deux heures puis les deux fois semaine, ouais. Vraiment, là ça nous permettait de faire des émissions beaucoup plus intéressantes. Donc, à la fois à faire, mais à réécouter même par la suite. Donc, ouais. j'ai adoré, moi. Le fait d'être dans le bain à toutes les semaines, ouais. C'est vraiment, j'ai vu une différence. Moi, tu sais, moi qui ne veux pas, qui est responsable de tout ce qui est programmation de l'émission, d'aller chercher un... d'aller tout le temps à la source de la nouvelle, aller fouiller plus profond. Parce qu'on avait une émission de deux heures, mais je me souviens, la première émission que tu as faite avec nous, tu disais, ben là, je vais parler quand? Moi, l'émission que je m'en finis, je dis, ben ouais, Philippe... À la fin de la première heure, je commençais à m'inquiéter. Mais non, effectivement, une deuxième heure, j'étais bien content. Ah, ben, regardons, toi, j'avais pas prévu ça. ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est d'avoir des amis qui étaient là à chaque semaine puis qui me disaient, hey, tu sais, je t'ai écouté cette semaine, ouais. Puis, ou qui étaient là directement en direct avec nous autres sur Internet puis avec qui on pouvait parler, échanger, puis amener leurs commentaires aussi pendant l'émission. Donc ça, j'ai vraiment adoré puis je voulais les remercier aussi. Là. Ils se reconnaissent de toute façon. Là, ouais. Donc ça, à ce niveau-là, j'étais vraiment heureux. Je trouve qu'on a fait une émission super intéressante. Puis je suis bien content d'y avoir participé. Ça va aller dans le portfolio. Ah oui, c'est sûr et certain. Assurément. Certaines non, mais. Ah ben oui, même les plus ludiques étaient agréables. On a eu du plaisir. Mais il y avait des matins, parce que c'est pas tout à fait facile de la radio le matin. T'es pas nécessairement réveillé. Quelqu'un qui fait de la radio en après-midi, t'as eu le temps de faire ta journée un peu, t'es réveillé. Tandis que nous, bon, souvent, là. En même temps, nous, on dit du matin, mais c'est du mid-morning, en fait. Ouais, là, c'est comme pas de temps le matin. Ouais, là, c'est pas 6 heures. C'est ça. Les gars qui souvent nous suivent, nous précèdent le lundi, entre autres, de 6 à 9 ou de 7 à 9. 7 là, à 9 là, ouais. Eux font un boulot encore plus difficile. Parce que évidemment, non, c'est ça, tu veux te coucher tôt, mais en même temps, le sport, souvent, ça va jusqu'à tard parce que, bon, t'as tout ce qui se passe dans l'Ouest, t'as tout ce qui se passe partout dans le monde, fait que t'essaies de suivre aussi un peu partout. Et puis là, t'arrives le matin, bien évidemment, un peu fatigué, mais on essaie quand même de toujours livrer... La marchandise. De la bonne marchandise. Hey, JP, je voulais te féliciter pour ton Cam Newton qui a été le premier choix. Ben ouais. Très bonne prédiction. Ça remonte quand même à un bon petit bout. Je sais. Je vais en parler un peu plus tantôt. Là. Non, on va commencer là-dessus, Philippe. Ben moi, il faut que je vous abandonne. Donc, j'ai un examen là, et je dois aller étudier. Puis, il faut que je passe au prêt et bourse. Question de, de manger. Subsister jusqu'à la fin de l'été. OK, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Philippe. Salut, Philippe. C'est à mon tour de te remercier pour l'effort que tu as mis durant cette année. Là, au complet, là, les chroniques soccer préparées avec beaucoup d'avance. Oui, tout ça. Oui, mais toujours de qualité. Ah, toujours. Effectivement. Ben écoute, je vous remercie les gars, puis passez une bonne fin d'émission, puis bon été à vous autres. Ouais, bon été. En espérant que Marc-Antoine, tu prennes la relève, puis qu'on essaie de participer à tout ça. Oui. Oui, merci Philippe, et bon examen. Hein. Salut. Salut. Ben, on parle aux autres, Cam Newton, là, qui a été le premier choix hier des Panthers de la Caroline. Je sais que t'es pas surpris, JP, mais ça n'a pas été un choix nécessairement surprenant, mais il y avait quelques options qui étaient intéressantes aussi. Exactement. D'après moi, les Panthers de la Caroline n'auraient pas pu... Je sais pas, j'aime pas trop le choix, là, ben honnêtement. C'est un excellent athlète. Il a un physique incroyable. Il a du talent à en sortir par les oreilles. Sauf que, écoute, le sport de la NFL, c'est seulement une ligue où les petites choses techniques sont importantes. Puis, selon moi, c'est un des joueurs les moins intelligents du draft, là. Donc, je sais pas, là. Ils prennent un risque énorme, je crois, les Panthers en choisissant. Selon moi, c'est un bond en arrière pour eux, là. Je serais plus allé avec un joueur plus solide que ça. Plus safe, si on veut, mais écoute. C'est tout ou rien. Là. C'est soit un run ou c'est un échec dans son cas. Je m'en ai exactement dit ça. C'est le coup de circuit ou c'est le ballon sacrifice, même pas. Exactement. Ben, est-ce que Newton, et je sais pas, as-tu écouté le repêchage hier? Oui, j'ai tout écouté. Okay. Puis c'était tout un show. c'est un de mes shows préférés de l'année. Puis écoute, c'est tellement bon avec toutes les analyses de joueurs. Chaque équipe a des besoins différents avec beaucoup de positions. À remplir, là, contrairement, par exemple, au hockey où t'as les attaquants, les défenseurs, les gardiens, là. En plus, des excellentes analystes pour nous décrire ce qui se passe, pour nous expliquer le talent de certains joueurs. Donc, c'était excellent. On a eu beaucoup de carrières qui ont sorti. Ça, j'ai vraiment aimé ça parce que, on On va s'entendre, c'est toujours plus spectaculaire voir des carrières repêchées que des gardes ou bien d'autres joueurs de ligne comme ça. Là. Ben justement, il y avait tellement de carrières qu'on a fait une émission du côté des ESPN qui, bon, ceux qui ont vu la série Sports Science qui a joué à Canal D, qu'on a pu voir à Canal D du côté du Québec, Sports Science, on a testé dans le fond avec tous les carrières qui étaient disponibles. Selon certains tests, qui était, mettons, le plus rapide pour décocher une passe? Qui était le plus rapide pour se mettre à courir lorsqu'on voit un trou apparaître? Et là, on avait, bien sûr, inventé des épreuves, bien sûr, mais on a testé ce qu'on appelle le multitâche un peu du cerveau. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on faisait... imagine, il y avait une lumière qui passait, tu devais de passer ta main devant la lumière. En plus, il y avait quelqu'un qui posait des questions, qu'on peut retrouver dans le... j'ai oublié le nom du test américain. Là, pas les SATs, mais le j'ai juste Medtronic dans la tête. Je sais pas si ça dit quoi, JP? Ouais, c'est le... C'est pas grave. Qui est un test qu'on fait passer. Le Wonderlic. Le Wonderlic, qui est le test qu'on fait passer aux joueurs de football pour savoir leur niveau d'intelligence. Vince Young l'avait poché et pas à peu près. donc, on pose des questions, mais en même temps, on leur faisait faire des épreuves et on a vu, bon, tout ça, c'était tellement intéressant. Puis c'est là que tu te dis, wow, vraiment mélanger science et sport, ça l'a donné quelque chose qui, même moi, j'ai trouvé ça plus intéressant que le repêchage de la NFL. Mais qui toi, c'est le contraire, JP, puis je comprends pourquoi, là, t'es plus maniaque que moi, là, de puis, les joueurs. ESPN ont fait une petite émission, 1 heure par semaine, avec QB Cam, qui appelait avec John Gruden, qui rencontrait un par un les prospects, passait une journée avec, le rencontrait dans son bureau, on leur montrait des jeux, on demandait aux carrières d'expliquer leur stratégie là-dessus. John Gruden, qu'on sait, est quand même un bon entraîneur pour les carrières, donc il leur donnait des petits trucs. On a même vu Ryan Mallett, le corps arrière des Razorbacks d'Arkansas, qui est pas encore sorti. Il était accompagné par John Daly, là, puis t'as le gros John qui donnait des conseils sur la vie privée, là, t'sais, quoi faire, quoi ne pas faire, parce qu'il en a vécu pas mal quand même des affaires, lui. Donc, non, c'était super intéressant, puis ce qui m'amène à dire que, écoute, l'émission avec Cam Newton, c'était désastreux, là. John Gruden lui a adressé la question, il a dit, tu sais, à Auburn, t'as jamais vraiment appelé les jeux sur la ligne avant le snap, si on veut, puis comment tu vas te débrouiller dans la NFL, puis écoute, John est arrivé avec une multitude de termes que par exemple, Peyton Manning appelle juste avant de lancer le ballon, puis écoute, il y avait là, Cam Newton avait l'air aussi confus que moi durant un examen de mathématiques ou de biochimie, là. Donc, écoute, là, John Gruden, il dit, ben là, comment tu vas faire, mon homme? C'est quoi l'affaire, là? Puis, il avait l'air confus. Puis, il dit, tu sais, nous, à Auburn, c'était quand même assez simple, là. On regardait sur les lignes de côté, il y avait une pancarte rouge ou brune. Tous les gars savaient le jeu, donc, j'ai jamais vraiment fait ça. Tu sais, ça te montre à quel point le gars, c'est un athlète, sauf que, côté cérébral, c'est pas fort, puis ce qui m'amène à dire que je pense pas que les Panthers auraient dû le choisir au premier rang, surtout, là. Donc, écoute, ça, on l'a dit, là, ça va être soit un coup de circuit ou un ballon sacrifice, là, un retrait sur 3 prises, donc voilà, mais tu sais, sinon, le draft était excellent. Mais j'en reviens sur Cam Newton, je doute fortement qu'il soit le carrière partant des Panthers cette année. On va devoir lui apprendre les bases vraiment. À partir de zéro. En deuxième rang, là, dans ce repêchage-là, c'est Von Miller qui était choisi. C'est Von Miller, oui, surprenant, parce que toutes les mock drafts, toutes les prévisions du repêchage s'en allaient vers Marcel Darius. Qui est un plaqueur défensif incroyable, un gros bonhomme dans le fond, là. Les Broncos qui manquaient affreusement à ce niveau-là de plaqueur défensif pour leur ligne, là. T'as Elvis Dumerville qui est là pour comme allié défensif, mais sinon ça faisait pitié. Finalement, ils sont allés avec Von Miller, le meilleur linebacker disponible. Quel bon choix. Ce gars-là court vite, il court le 40 verges en 4-6. Pour un linebacker, hey, c'est boy. Jamais vu. Hey, puis écoute, là, pour un gars de 6 pieds 3, 246 livres, il est pas gros, mais il est fait lean, là, dans le fond. Il est très athlétique, puis j'ai bien hâte d'avoir ça. Puis les Bills, dans le fond, ils ont opté suite pour Darius. Un choix, moi, qui m'a surpris. Je pensais que les Titans allaient aller avec Nick Fairley, l'autre plaqueur défensif de Auburn. Finalement, on est allé avec Jake Locker. Le carrière, Le carrière, exactement. Certains ne mettaient même plus dans la première ronde. Il a même sorti avant Blaine Gabbert. Donc, écoute, c'est pour ça que j'aime ça, ce draft-là. Il y a tellement c'est tellement imprévisible. Puis, écoute, parlant d'imprévisible, Daquan Bowers, l'ailier défensif de Clemson, qui, voulant un mois, était numéro un pour tout le monde, a même pas sorti en première ronde. Donc, ça te prouve à quel point ça change vite. C'est long, mais au moins, là, on a réduit le temps entre les choix. Là. Il fut une époque où il y avait 30 minutes de disponible entre chaque choix pour choisir. Écoute, c'était pénible. Là. C'était de 1h jusqu'à 11h le soir. Te souviens-tu d'Oakland qui avait pris ses deux demi-heures au complet? Et oui. Je ne me souviens pas quelle équipe avait offert un choix de repêchage s'il acceptait de choisir dans les prochaines 5 minutes. Là. Mais c'est au moins, là, le spectacle est meilleur. Là. Et on fait toujours ça au Radio City Music Hall du côté de New York. On a droit aux fans de New York qui sont assez réactifs. Là, on a pu entendre quelques huées lorsque Cam Newton a été repêché. Définitivement, là, il sera pas un gentil garçon là, dans la NFL. Hey, JP, je te parle de Danny Watkins, natif de Kelowna, en Colombie-Britannique. L'histoire de Watkins est très, très, très surprenante. Il a été choisi 23e par les Eagles de Philadelphie. C'est un joueur de ligne offensive. Bon, jusque-là, il n'y a rien de spécial, mais Danny Watkins n'est absolument pas un joueur de football. Non, c'est ça, c'est un ancien joueur de rugby. Non, oui, mais c'est surtout un ancien pompier. Oui, bien, dans le fond, c'est un joueur de 26 ans surtout. Oui, c'est ça. Tous les joueurs, ils ont sorti hier à 21, 22, 23 ans. Lui, il arrive 26 ans, sort de Baylor, qui est quand même une bonne université pour les joueurs de ligne. Un garde, donc, a une belle shape, là, 6'4", 312 livres, très athlétique. Écoute, un pompier, oui, dans le fond... J'explique l'histoire, là. Dans le fond, Danny Watkins veut devenir pompier, du moins est pompier à Kelowna, et on lui offre d'aller suivre des cours dans une université américaine à Butte College, B-U-T-T-E, là, College, bon pour devenir, je sais pas comment dire ça, mais un meilleur pompier, là, approfondir son apprentissage dans le domaine. Rendu là, bon, monsieur était quand même assez solide. On parle d'un 6 pieds 4 et 310 livres présentement. C'était peut-être pas ça dans le temps, là, mais on lui offre. Il s'attend toujours au football. Il décide d'arriver. OK, je vais essayer. Son équipe a été parfaite cette année-là. L'année d'après, ben écoute, Baylor, l'Université Baylor l'ont vu jouer. Nous, on dit, écoute, ça te tente-tu de jouer avec nous? On trouve que tu as du talent. Donc, en 2009, a commencé à jouer avec Baylor, a joué la saison 2009, a joué la saison 2010, et le pompier est maintenant un joueur repêché dans la NFL qui va signer un contrat de plusieurs millions dans les prochains jours. Quelle histoire magnifique! Et même, il est repêché dans la CFL par les Lions de la Colombie-Britannique, mais je pense qu'ils sont mieux de mettre un X dessus, là, en tout cas pour l'instant. Quelle histoire, quand même, le rêve américain, là. Exactement. Puis comme je t'ai dit tantôt, c'est un gars qui vient quand même du rugby au Canada. Donc, quand même, une certaine base de jeu contact, ça l'a certainement aidé. Jouer au hockey, je pense, un peu aussi, là, ouais, dans son coin, sans être trop sérieux. Mais, Kim, tu l'as dit, puis on a déjà vu des joueurs exceller dans la NCAA, étant plus vieux. Par exemple, je parle du corps arrière, Jason White, qui avait remporté, lui, le Heisman, mais à l'âge de 27 ans. Donc, habituellement, ces gars-là ont une belle carrière universitaire, sauf qu'ils sont rendus tellement vieux que les joueurs veulent pas mettre de temps ni d'argent sur leur potentiel qui, selon eux, est déjà atteint. Donc, une belle histoire là pour les Eagles. Puis, écoute, ça a tellement l'air d'un... Écoute, j'ai vu les vidéos hier sur lui, puis il a une belle technique, il est physique, il a l'air d'avoir du cœur. Donc, bon choix pour les Eagles qui se renforcent encore une fois, là... Toujours une des meilleures équipes de la Ligue. Va venir aider un peu Michael Vick à être un petit peu plus confortable dans la pochette. Hey, JP, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et je veux te remercier là, pour les années... Écoute, ça fait déjà trois ans que tu te joins. Ça a passé vite. Tu te joins à nous. Là, malheureusement, le nombre de fois que tu étais en studio a été trop petit à mon goût. Là, mais malheureusement, de Sherbrooke, tu as donné tout ce que tu pouvais donner. Exact. Encore ce matin, là, sorti de l'hôpital fraîchement, là, tu te donnes. Okay. Merci beaucoup pour ton implication. Et, ça fait plaisir, les boys. On se voit dans pas très long. Faites ça avec plaisir, exactement. Là, on ira prendre une bière. Dans cet été, là, c'est terrasse à Saint-Hyacinthe. Exactement. Salut, mon JP. OK, salut, bon. Merci, salut. Donc, c'était JP Grenier qui nous parlait football. On s'en va à musique. On s'en va écouter un petit peu de Neil Diamond, Sweet Caroline. Je me gâte ce matin là, dans les chansons comme ça. Au retour, surprise, on parle à un ancien de l'inconduite de partie. Donc, Neil Diamond, Sweet Caroline, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou pour encore environ 9 minutes. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Caroline, Neil Diamond, chanson de baseball là, pour terminer ça. Et on termine ça avec un ancien émission directement de Québec, M. Pierre-Luc Giroux. Ça va bien, Pierre-Luc? Oui, ça va très bien, vous? Hey, ça va super bien. Pierre-Luc, là, que si vous êtes joint à l'émission seulement là, à partir du mois de janvier, Pierre-Luc était avec nous du mois d'octobre 2008 au mois de décembre 2010. Chroniqueur junior majeur, Pierre-Luc qui a commencé ça dès que j'ai soumis l'idée là, que je voulais faire une émission sportive. Pierre-Luc s'est offert dès le début, s'est spécialisé. Bon, Pierre-Luc suivait déjà beaucoup de juniors de majeur. A fallu te forcer un peu à parler plus des cataractes que des remparts, mais... mais comme toujours. Comme toujours, exactement. Et vraiment, là, on a eu du plaisir à faire ça. Que, disons-le, les chroniqueurs changeaient, mais Pierre-Luc a toujours été fidèle au rendez-vous. Mis à part peut-être certains matins où il s'est pas levé, là, mais ça m'est arrivé aussi, là, mais je suis toujours reconnaissant envers ta coloc qui t'a réveillé quelques fois et que j'avais dû faire une demi-émission tout seul, mais c'est pas grave. Puis Luc, qu'est-ce que tu retiens de tes 2 ans et demi là, dans l'émission? Ben, Ben, je pense que j'en retiens plein de choses. Ben, je m'intéresse beaucoup au milieu de la radio. Fait que c'est sûr que ça m'a donné une bonne expérience. Mais je pense que qu'est-ce que j'en retiens aussi, c'est le plaisir qu'on a eu à construire cette émission-là. Je pense qu'on a eu beaucoup de fun et des fous rires, que ce soit avec Sébastien, avec, avec Philippe. Je pense qu'on a eu du fun à faire ça aussi. Ouais, c'était super plaisant. Puis c'était, tu sais, je pense que il y a probablement des talents qui sont nés à travers ça, ou des passions, devrais-je dire. Tu l'avais déjà un peu, la passion de la radio, mais de pouvoir le pratiquer, là, on a eu beaucoup de plaisir. Regarde, moi, je retiens surtout là, la différence entre notre première émission et ce qu'on a pu faire maintenant, ce qu'on fait maintenant. Vous donnez une idée, là, notre première émission, là, je plains les gens qui ont écouté ça, ça devait être mauvais. On lisait un texte. On écrivait un texte. On avait pour 3 pages de texte sur nos chroniques. Lis mot à mot, c'était mauvais. C'était pas bon. Pour vous donner une idée, à l'époque, j'écrivais exactement ce que j'allais dire de ce qui s'était passé dans le match. Phrase par phrase, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, j'ouvre le sommaire, puis je lis ça, je prends une nouvelle sur Internet, j'en tire les plus gros points, puis je parle de tout ça. On s'est beaucoup amélioré au niveau de notre qualité de recherche, puis au niveau du produit qu'on a livré en ondes. Autant moi, autant toi, Pierre-Luc, autant probablement les autres qui ont été avec nous à travers les années. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de ça, la différence entre la première année, l'émission que je veux même pas retrouver, que j'ai sur CD, mais que je veux même pas retrouver. C'est ça. Je te remercie, Pierre-Luc, d'avoir été avec nous durant ces... Ben, ça m'a fait plaisir. Puis moi, je te félicite, Nicolas, pour l'émission que tu as faite pendant ces 3 années-là. Je pense que tu es un excellent animateur de radio. Puis je pense que tu pourrais continuer dans ce domaine-là assez facilement. Je te souhaite la meilleure des chances dans ton futur. Ben merci beaucoup, Pierre-Luc. Parfait. Salut, là. Merci à toi. Bonne fin de semaine. Salut. Bonne journée. Alors, c'était Pierre-Luc Giroux qui a été chroniqueur ici de 2008 à 2010. Marc-Antoine, un petit mot en terminant? Ouais, ben ça, je voulais, comme Pierre-Luc le disait aussi, moi, je voulais te remercier de m'avoir laissé ma chance, parce que j'ai rejoint l'émission seulement en janvier, première année en communication. Le domaine de la radio, c'est une chose qui m'intéresse. Le sport, j'ai beaucoup de choses à travailler, je sais. J'aime le sport. Je voulais te remercier pour qu'est-ce que tu m'as fait vivre cette session-ci, et aussi te féliciter pour ta qualité, ton talent d'animateur de radio. Toujours des émissions préparées, toujours j'arrive à tous les matins que j'arrive ici, t'es déjà ici depuis un petit bout à préparer ton émission, et tout est toujours bien fait. Merci beaucoup. Et je vais essayer de... Je voulais pas prendre ton nom d'émission parce que on s'en est parlé quelques fois durant la session. Est-ce que je reprends l'émission là, avec collaborateur à la session prochaine, l'année prochaine? Je voudrais pas faire ça pour pas salir un peu ton émission. Mais je vais essayer. Je travaille pour repartir une émission de sport la prochaine session avec de nouveaux collaborateurs. Et j'aimerais bien ça que de temps en temps, tu viennes faire ton petit tour comme journaliste de l'inconduit de partie. Donc, ou autre chose qui pourrait... Autre chose, on verra. Donc, les gens qui... les amateurs de sport qui écoutent, c'est fou, vous ne serez pas dans le vide l'an prochain. Marc-Antoine va être là, je ne suis pas inquiet. Ça va être excellent. Donc, c'est ce qui conclut l'émission. Je tiens à remercier, dans l'ordre et dans le désordre, Pierre-Luc Giroux, Guillaume Beaulieu, JP Grenier, Sébastien Proulx, Philippe Doucet, Marc-Antoine Lavoie, Jonathan Robert, Jonathan Bernier, qui ont été chroniqueurs, qui se sont donnés, les joueurs des Patriotes de l'UQTR aussi, qui ont participé à l'émission, et les animateurs, les différents animateurs, les gens de C'est Fou, qui m'ont formé et qui m'ont poussé à travers tout ça. Donc, merci. C'est ce qui conclut l'émission. C'est ce qui conclut la vie d'un conduit de partie sur C'est Fou. C'était sans musique, là, avec une petite chanson qui a été faite dans nos studios. Bob Bissonnette, qui avait joué du bed, du tape, sa palette. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère le trouver au fond de ma poche une roulette. De pouvoir sortir mon bâton pis t'épier ma palette. Hi-hi! En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le croc avec une caisse de poc. Je m'en suis chemin de Thomas en direction de l'aréna. On se prend du grand café au Tim Hortons d'à côté. On arrive à Gilles Tremblay, un aréna de quartier. Sur nos sacs du coffre. Et des pieds dans le clutch, je rentre à l'intérieur. Tout de vers la chambre, des joints, mon chandail est accroché. Ça sent la soirée à plein nez. Je mets mes jambières, j'attache mes jarretières. Je vérifie que ma coquille est bien dans mon jackstrap. Je mets devant un shot, puis bloquer une pop. J'ai pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me tape les poignets, je rentre dans mon gilet. Je me garage ou d'en face, je suis prêt à mettre mon casque. Le gilet au bout avant tout et sa glace. La game d'asseoir pour la première place. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette. De pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés.